classé dans les infréquentables depuis 1951, défiant toute la presse mainstream, à contre-courant de toutes les modes, loin de la doxa pour une information sans filtre, c'est l'anti-Edoui Plenel, ce soir avec nous, l'inérable Jérôme Bourbon, directeur du magazine Rifarol, dans Libéré sur Parole. A tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur Libéré sur Parole. Vous êtes bien donc sur patriote.info, sur la chaîne Te Patriote TV. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous évidemment aussi sur le Twitter Te Patriote ou sur la page Facebook. Bienvenue à tous. Si nous regardent sur le chat, en particulier ceux de la caserne, je prendrai les questions, je précise, tout à l'heure dans le salon Questions pour le direct. Et ce soir, pour cette soirée avec nous, on va recevoir Jérôme Bourbon. Bonsoir, monsieur Bourbon. Bonsoir, merci de m'inviter, c'est un grand honneur pour moi. J'apprécie beaucoup ce que vous faites, votre liberté de propos, le fait que vous ayez invité des gens infréquentables, justement, le professeur Forisson et tant d'autres, ce qui vous a valu quelques déboires, d'ailleurs. Quelques déboires, tout à fait. Et je crois que l'affaire n'est pas terminée encore. Tout à fait, pas du tout terminée, il y a encore pas mal de choses à dire sur cette affaire. J'aurai l'occasion d'en parler, puis on vous parlera aussi de vos déboires. Parce que le professeur Forisson dit toujours, on me demande parfois de parler du courage, je suis incapable d'en parler parce que j'en ai vu dans ma vie des cas si peu nombreux. Par contre, de la lâcheté, ça je pourrais vous en parler longuement. J'en ai vu des cas considérables. Il n'a pas tort, ce cher professeur. Alors vous, Rifarol, vous êtes un magazine qui existe depuis 1951. C'est exact. Oui. Mais c'est une longévité extraordinaire quand même dans le milieu de la presse. Y compris pour les mainstream, il y a très peu de en fait, il y a très peu de médias aussi qui il y a le Canard Enchaîné qui est très ancien, ouais. Il y a quelques publications. Oui, quelques grands titres comme ça. Mais c'est vrai effectivement, c'est un journal qui existe depuis bientôt 70 ans maintenant, ouais. Et même notre revue mensuelle Écrit de Paris est même encore plus ancienne, ouais. Puisqu'elle a été fondée fin 1944. Fin 44, voilà ça. Dès la Libération. Donc, en gros, c'est vrai que ça fait 70 ans qu'on existe. Et avec une ligne politique qui, pour l'essentiel, est inchangée. Ouais. Et qui est une ligne d'opposition nationale radicale au régime actuel. C'est quoi le secret de la longévité? C'est que vous avez c'est justement d'avoir gardé vos convictions, votre cap ou... Je crois que c'est de la fidélité à un certain nombre de convictions, une ligne éditoriale. Et puis je pense aussi qu'il y a une certaine pauvreté. C'est-à-dire qu'on fait attention quand même à ne pas... faire des dépenses plus importantes que ce que l'on gagne. Et parce que j'ai constaté que souvent dans les faillites d'un certain nombre de journaux, de publications, bien souvent, il peut y avoir certes une réduction du nombre de lecteurs, du nombre d'abonnés, mais très souvent, quand on connaît un petit peu les coulisses, on s'aperçoit que souvent, il y avait quand même une mauvaise gestion. Et donc, je pense que on a toujours essayé quand même d'avoir une gestion la plus saine possible, en essayant de réduire les frais. Par exemple, on n'a pas de locaux, on a une équipe quand même extrêmement réduite, on essaye à chaque fois de faire en sorte que les coûts soient les moins élevés possibles. Et puis, bon, bien sûr, il y a la fidélité... à des convictions, sans doute une certaine liberté de parole, une certaine liberté de ton. Ce qui vaut d'ailleurs un certain nombre de procès, puisque on a le record de saisie, de procès. Oui, vous avez le record de procès. Et de procès. Moi-même, depuis une dizaine d'années que je dirige le journal, j'ai dû avoir une quinzaine de poursuites judiciaires, qui pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, ont abouti à des condamnations en bonne et due forme. D'ailleurs, je dirais de milieux très divers, puisque j'en ai eu émanant comment dirais-je, du ministère public, hein, donc du gouvernement, mais d'un certain nombre de ligues de vertu, comme la Ligue RA, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc. Mais également, ce qui pourra peut-être paraître surprenant, sauf pour les gens qui connaissent peut-être un peu le dossier de près, même de Marine Le Pen, par exemple. J'en suis à 4 procès de sa part. À quatre procès de Ah Marine oui, Le Pen. elle demande des sommes considérables à chaque fois, et elle est souvent, d'ailleurs, je dois avoir l'honnêteté de le dire, beaucoup plus rapide, même que la LICRA, je dois dire. Et là, il y a une vraie concurrence. Elle est même plus rapide que la LICRA quand il s'agit de demander les dommages et intérêts. Hein. Quand il s'agit de faire appel aux huissiers pour demander que les sommes soient versées. Ce que je rappelle quand même, les internautes ne le savent peut-être pas forcément, que lorsque l'on perçoit des dommages et intérêts, c'est net d'impôt. C'est-à-dire que ce n'est pas soumis à l'impôt. Donc, c'est une façon pour elle de s'enrichir, quoi. Puisque, de toute façon, c'est comme je le disais, quand elle fait un procès, à tous les cas, elle gagne au grattage, elle gagne au tirage, puisque si bien l'avocat est payé intégralement pour le Front National, donc elle perd ou qu'elle gagne, elle n'y perd pas un centime personnellement. En revanche, si, et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'en multipliant les poursuites, elle a des chances de s'enrichir, puisque si bien elle peut espérer quand même mathématiquement avoir quelques victoires judiciaires. Donc ce qui lui permet en quelque sorte d'arrondir ses fins de mois. Voilà. Vous êtes dur avec Marine Le Pen. Alors, Non, je suis juste. vous êtes juste parce qu'il y a eu clairement un tournant en plus dans la ligne de Rivarol parce que vous avez été quand même un soutien important du Front National et Il est vrai qu'on a puis. soutenu toutes les candidatures présidentielles de Jean-Marie Le Pen de 1974, où il avait fait un score modeste de 0,74%, jusqu'à sa dernière campagne en 2007. Ça, c'est tout à fait exact. Mais moi, j'avais pris le parti de Bruno Gollnisch lors de la campagne de succession, qui était en fait une campagne de donation, puisque Jean-Marie Le Pen voulait mettre sa fille. Hein. Les dernières années de sa présidence, il ne faisait plus de la politique, il faisait du biologique. Hein, donc, il fallait passer. Moi, j'ai beaucoup de considération pour Jean-Marie Le Pen, mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas été la meilleure partie de sa vie, même si je peux comprendre que quand il s'agit de ses enfants, de la chair de sa chair, bon, on puisse réagir différemment. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de distance critique, beaucoup d'objectivité pour préférer un collaborateur fidèle et dévoué à un de ses enfants, quoi. Je veux dire, ça, je le conçois tout à fait. Mais il est sûr que, bon, on l'a vu, on en parlera, je pense, de beaucoup de sujets, mais on m'a beaucoup reproché, souvent dans la mouvance, d'avoir effectivement la dent dure sur Marine Le Pen, mais il faut savoir que Marine Le Pen, elle est née d'une PMA, d'une procréation médiatiquement assistée, puisque, au fond, elle n'était rien au Front National, et au fond, elle a été portée par les médias, un peu d'ailleurs comme Marion Maréchal aujourd'hui, hein, vous avez vu son discours le 22 février. Un congrès conservateur. Américain, Hein, donc finalement, après Marion 1, c'est Marion 2, puisque vous savez que le vrai prénom à l'état civil de Marine, c'est Marion, en fait. Hein, donc les deux, il faut le savoir, c'est Anne-Périne Marion. Hein, c'est pas Périne et le Potelet, mais c'est Marine est un surnom, en quelque sorte. Hein. Et donc, il est clair qu'on voit très bien que. Moi, je l'avais vu déjà à l'époque, hein, il y a une quinzaine d'années, elle était vraiment invitée matin, midi et soir dans tous les médias audiovisuels, alors qu'elle n'avait aucune fonction encore officielle au Front National à l'époque, parce que précisément le système médiatique et politique savait qu'avec elle, c'était une façon de désarticuler la droite nationale, puisque au fond, elle n'en a pas les convictions, elle n'en a pas les réflexes. Je le dis souvent, fondamentalement, c'est une femme de gauche, d'ailleurs, beaucoup de ses contempteurs au FN Canal Historique, qui est devenu aujourd'hui le FN Canal Hystérique, parce que j'ai souvent dépassé du canal neuronal au canal hormonal, et je veux dire, de Roger Olyndre et de ses anciens combattants, je veux dire, à une cage aux folles, hein, une panard pédérastique. Et donc, en réalité, il y a un règne des incompétents, on l'a encore vu lors du débat télévisé, hein, qui fut vraiment la mise en bière de la poissonnière, le cimetière. C'est vraiment son cimetière, quoi, bon. Le cimetière de la Mégère. Et alors, je voulais dire fondamentalement que dans cette affaire, dans l'affaire du Front National, c'est qu'il faut bien comprendre que moi, ce que j'aimais de chez Jean-Marie Le Pen et chez beaucoup de ses lieutenants, c'est qu'on sentait une sincérité dans les convictions. C'est-à-dire que fondamentalement, son idée, c'était de considérer qu'il faut dire la vérité. Et moi, je crois que dans la vie, tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, il faut toujours dire la vérité. Moi, je pense même qu'il y aura des malades, même quand ils sont atteints d'un cancer, je pense qu'il faut dire la vérité. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, si un jour j'ai le cancer ou une maladie grave, moi, je veux qu'on me dise la vérité. D'abord, ça permet de se préparer spirituellement à la mort, ça permet de faire un testament, d'organiser au mieux sa succession. Moi, je crois qu'il faut toujours dire la vérité, même quand elle est douloureuse. Parce que de toute façon, si on la cache, tôt ou tard, elle se venge, elle éclate. Bon. Donc, il considérait que ce qui était important, c'était de dire la vérité. Si les Français sont aptes à l'entendre et en tirer les conséquences, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tant pis. Mais il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire de démagogie. Moi, c'est ce que j'appréciais dans ses discours, dans ses allocutions, dans son comportement. Or, je dirais que le logiciel du Front National a changé, puisque aussi bien maintenant, il s'agit de... Parce que je m'agite trop, je ne sais pas. Il s'agit en réalité maintenant de complaire à la bien-pensance médiatique, au politiquement correct, à l'historiquement correct, au moralement correct. La dédiabolisation, la fameuse. C'est la dédiabolisation qui est en fait une normalisation, puisque comme je l'ai souvent dit et écrit, au fond, Marine Le Pen et ses lieutenants ont finalement fait leur, les trois religions de la Ve République, qui sont la religion de la Shoah, la religion de l'avortement et la religion de l'homosexualisme. Faut pas oublier qu'en 2002, lorsqu'elle a émergé médiatiquement, c'est quand même, elle a commencé par dire qu'elle n'était pas d'accord avec l'abrogation de la loi Veil sur l'avortement, et ça c'est quand même médiatiquement très important, puisqu'on est dans l'idéologie féministe, on vit là-dedans depuis plusieurs décennies, et la télévision c'est quand même très puissant, bon, tout cela. La religion de la Shoah, où elle a donné également tous les signes, elle avait condamné Golnisch, elle a condamné son père à la suite de l'interview qu'il nous avait donné, où il était question brièvement de l'occupation allemande en France, puisque Le Pen, lui, l'a connu pendant son enfance, sa jeunesse, donc il peut avoir une vision moins manichéenne que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis la religion de l'homosexualisme, où là aussi, elle a donné tous les gages. Le Front National ne s'oppose pas à la théorie du genre, ni véritablement au mariage homosexuel. Marqué Dupont-Aignan non plus, j'ai vu récemment qu'il avait dit que s'il arrivait au pouvoir, il maintiendrait le mariage homosexuel. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de droite en France aujourd'hui. Parce que la droite, c'était quand même la défense d'un certain nombre de principes. Je n'aime pas le mot de valeur, parce que les valeurs, on parle de valeurs mobilières, de valeurs républicaines. Philippe de Villiers a écrit Un combat pour les valeurs. On ne peut pas dire que c'était bien exceptionnel ce qu'il a fait. Donc je préfère parler de principes et de vertus, de principes directeurs, d'une colonne vertébrale, de convictions, de principes et de vertus à défendre et à mettre en pratique. Or, je constate que la droite, traditionnellement, c'était quand même la défense de la patrie, de la famille, de la morale traditionnelle, un certain nombre de principes de vie en commun. Or, je constate qu'aujourd'hui, aucun grand parti politique qui a accès aux médias ne défend maintenant ces principes. C'est quand même désolant de voir ça. Est-ce que c'est pas le fait qu'on peut dire que, finalement, un Jean-Marie Le Pen, il arrive 20 ans trop tard, finalement ? Je crois qu'on dit souvent que le drame de l'être humain et d'un certain nombre de situations dans la vie, c'est qu'on comprend les choses trop tard, on décide trop tard. Sans doute, parce que effectivement, lorsque Jean-Marie Le Pen a émergé médiatiquement et politiquement au début des années 80, probablement qu'un certain nombre de grands problèmes qui se posent à notre pays eussent pu encore être résolus à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, moi, j'ai souvenance que Jean-Marie Le Pen disait souvent dans ses meetings, dans ses discours à la télévision, dans ses réunions publiques, qu'avant l'an 2000, il y aurait un certain nombre de points de non-retour qui seraient atteints dans un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse de la question de la gestion des flux, de la maîtrise, de la gestion des flux migratoires, que ce soit dans la question de la dette, des déficits publics, que ce soit par rapport à des questions comme celle de l'illettrisme ou d'autres questions. Et effectivement, on a quand même le sentiment que les choses sont considérablement aggravées, enquistés depuis un certain nombre d'années, de décennies. Ça, c'est incontestable. Mais il faut dire aussi qu'en 2002, lorsque les Français, au second tour de l'élection présidentielle, le 5 mai 2002, ont eu un choix, un véritable choix pour une fois, entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, ils ont fait le choix que l'on sait. 82,21% des votants, 62% des inscrits ont voté pour Jacques Chirac, dont il savait par ailleurs que c'était un escroc, qui a d'ailleurs été condamné en justice dans l'affaire de la mairie de Paris, puisqu'au fond, pour pouvoir accéder à l'Élysée, il a mis en coupe réglée la mairie de Paris pendant des années. Mais Mitterrand a fait pareil avec l'affaire Bagraco pour arriver à l'Élysée. De toute façon, on ne peut pas accéder à des responsabilités élevées dans le système démocratique en France sans être un mafieux, sans cautionner, participer activement à des systèmes de raquettes. Donc là, c'était la mairie de Paris pour Chirac, c'était Bagraco pour Mitterrand. Il semble que pour Sarkozy, la justice le démontrera, mais il semble qu'il y ait un financement libyen. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le financement officiel, mais il y a aussi toute une série de financements occultes, illicites, qui permettent donc à des politiciens de l'emporter. Et d'ailleurs, j'ai souvent constaté que lorsque vous avez les sommes qui sont indiquées des dépenses des différents candidats, en général, celui qui gagne, celui qui a le plus dépensé. Et celui qui arrive dernier, et celui qui a eu la campagne la plus minimaliste. Hein. Et en général, ça suit un ordre décroissant. Il peut y avoir quelques exceptions, mais en général, ça marche assez bien. Donc ça prouve bien que un homme qui aurait les meilleures idées, les meilleurs principes, les meilleurs, la meilleure équipe, qui aurait vraiment de bonnes idées et une vraie loyauté, une vraie volonté de servir le pays, s'il n'a pas d'argent, il n'est rien, il ne peut rien faire. Il faut le savoir. Ouais. Et pour avoir de l'argent, ça implique de satisfaire un certain nombre de lobbies puissants qui ont de l'argent et qui sont surtout là pour que rien ne change. Ou que tout change pour que rien ne change, finalement. Ce qui est le cas de Macron, aujourd'hui. Parce qu'une personne, quand même, comme Marine Le Pen, on peut lui reconnaître d'avoir quasiment doublé son score entre les deux tours. Enfin, elle a quand même fait bien plus au deuxième tour que son bon, père d'abord, en 2002. D'abord, il faut constater qu'on n'a pas du tout la même campagne en 2017 qu'en 2002. Mmh. En 2002, il y a vraiment une campagne anti Jean-Marie Le Pen. Même la séquence cinématographique, la séquence météo était contre lui. Vous ne pouvez pas allumer la radio, la télévision à n'importe quel jour de la nuit. Ça s'en était sidérant, hein, ça s'en était stupéfiant. Bon, alors que je trouve qu'entre les deux tours, les médias ont eu une attitude relativement neutre entre les deux candidats. Dans les débats, elle a eu autant de temps de parole, etc. Il n'y a pas eu du tout, ça n'avait rien à voir. Moi qui suis de près 2002, ça n'avait strictement rien à voir. Donc déjà, on ne peut pas comparer les choses. Ça, c'est le premier point qu'il faut dire. Ce qui d'ailleurs devrait faire réfléchir. Comment se fait-il que Le Pen était diabolisé à ce point-là et que Marine Le Pen ne l'a pas été? Déjà, ça devrait quand même faire réfléchir. Premier point. Deuxième point, Jean-Marie Le Pen, tous les candidats, à l'exception de Bruno Magret, avaient appelé à voter contre lui. Tous de manière explicite, publique, réitérée, alors que là, elle a bénéficié non seulement du soutien de Dupont-Aignan, mais elle a bénéficié du fait qu'il n'y a pas eu véritablement de front républicain, puisque par exemple, Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner des consignes de vote, hein, aurait pesé comme près de 20% des voix, ce qui n'est pas négligeable, que la totalité des candidats d'extrême gauche, ce qui n'avait pas été le cas la fois précédente, à l'exception de Rette Laguiller, ont refusé également de choisir entre Macron et Marine Le Pen. Bon, par conséquent, mécaniquement, ça la faisait monter en pourcentage. Bon. Et d'autre part, elle n'a jamais été diabolisée comme l'a été son père, si vous voulez. Et qu'enfin, dernier élément, la situation du pays s'est considérablement aggravée en 15 ans et que la perception qu'en ont les gens, après notamment les attentats, qu'il y a eu attentat de Nice, du Bataclan, attentat de Charlie Hebdo, et tous les attentats qu'on a pu connaître depuis, eh bien, évidemment, un certain nombre de gens nous ont dit que finalement le Front National, dans son analyse, dans son diagnostic, n'avait pas tort sur toute une série de sujets, notamment sur la question liée à l'immigration massive et incontrôlée. Et donc, évidemment, elle en a bénéficié. Mais je dirais qu'elle en a bénéficié sans le mériter, au sens où elle a le nom, le patronyme, hein, ce qui lui permet d'avoir des voix, mais en réalité, elle n'en a pas les convictions. Ce n'est pas elle qui a créé ce parti, ce n'est pas elle qui l'a fait monter, ce n'est pas elle qui, lorsque il y avait une adversité extrêmement forte à la guerre du front, c'est pas elle qui a fait face. Finalement, elle a bénéficié clé en main, si j'ose dire, grâce à son père et aux médias, d'un parti, et grâce à son patronyme, mais sans le mériter. Étonnamment, dans la campagne, en plus, la question de l'immigration et du terrorisme n'ont pas été en premier plan, vraiment. En plus. Non, d'ailleurs, quand on lui a proposé, même dans le débat entre les deux tours, la fameuse carte blanche, hein, alors qu'un débat, on le prépare, elle a été incapable. Elle n'a fait qu'attaquer son adversaire, d'ailleurs de manière répétitive. Et en plus, si vous voulez, lorsque vous voyez qu'une tactique ne fonctionne pas, et on peut quand même le voir assez vite, on en change en général. Par exemple, un tennisman, un champion de tennis, par exemple, s'il perd le premier set face à un adversaire, s'il a un certain sens tactique, eh bien, il essaiera d'adopter un autre style de jeu. D'ailleurs, c'est ce qui est parfois magnifique dans les matchs en 5-7. On perd un 7, parfois 2-7, et un champion peut parfois se refaire. Bon, ce qui est assez extraordinaire parfois. Bon, mais il y a aussi l'intelligence du jeu pour ça. De la même manière, si vous voulez, lorsqu'on voit dans un débat que la stratégie que l'on a adoptée ne fonctionne pas et elle se retourne contre soi, il faut en changer. Mais cela, ça implique d'abord une certaine intelligence, une certaine capacité à se remettre en question et une certaine humilité, qualité des dispositions d'esprit dont Marine Le Pen est totalement exempte. Voilà. Ah oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est très arrogant. D'ailleurs, vous êtes dur avec elle. Non, mais je vais vous donner des exemples concrets, parce que je ne peux pas critiquer pour critiquer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque Macron a fait semblant de dire que, il avait couru ce bruit peu avant le débat, qu'il partirait au bout d'une demi-heure s'il servait de punching ball à Marine Le Pen, elle a pris ça au premier degré, elle a fait tout de suite un tweet en disant qu'elle n'était pas contre le fait que François Hollande vienne avec lui pour lui tenir la main. Je cite, un texto ne change pas un mot. Et quand quand on a interrogé Marine Le Pen, pas avant le débat, le journaliste, en disant est-ce que vous préparez le débat, elle a dit sous-entendu, je n'ai pas besoin quand on a des convictions, etc. Bien. Bon, voilà. Et à la fin du débat, ce qui est encore plus incroyable, alors que ça a été vraiment un désastre, un naufrage, un naufrage continu pendant 2h30, c'était un suicide en direct continu à la télévision. Moi, j'avais jamais vu ça, parce que vous avez parfois des débats télévisés où il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Bon, mais là, vraiment, c'était vraiment un suicide en direct. Hein. Je ne vois pas d'autre mot. Un naufrage, un désastre. Enfin, je ne vois aucun qualificatif excessif pour décrire ça. C'était hallucinant, quoi. Et alors, la dernière demi-heure, je crois, c'était de pire en pire. Hein. On atteignait des sommets. Hein. Bon, voilà. Et alors en plus avec la séquence sur les envahisseurs, là ça tenait, là on était à un niveau difficilement atteint, quoi. Bon. L'aurait-elle fait exprès? Je crois qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Bien. Mais je crois que ça a été un révélateur de l'âme. Hein. Parce que, si vous voulez, elle était parfois performante dans des formats courts, et là, dans des formats longs, on a vu, les gens ont pu voir. Moi, ce que je disais sur elle, sur son incompétence, son arrogance, son agressivité, son attitude complètement désinvolte, son incompétence sur les sujets, parce qu'elle s'est trompée sur les fiches entre SFR et Alstom, entre l'euro et l'écu. Bon, mais quelques mois après l'Assemblée nationale, elle a recommencé. Alors qu'il y a des assistants parlementaires qui sont payés pour ça, qui lui préparent ses fiches. Je sais pas si vous avez vu la séquence en décembre 2017, c'est impressionnant. Elle se trompe d'amendement. La vice-présidente de l'Assemblée, de manière très courtoise et pédagogique d'ailleurs, plusieurs reprises, Madame Le Pen, vous trompez d'amendement, de dossier, c'est pas le sujet, etc. Bon, le temps que ça arrive aux cerveaux, il faut du temps déjà. Et bon, je finis par comprendre à un moment donné, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, vous voyez le niveau. Comment voulez-vous que les Français, et ça quelque part je les comprends, je ne leur donne pas raison d'avoir voté Macron, mais comment voulez-vous donner la maîtrise du code du feu nucléaire, de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de la diplomatie, de la magistrature à une hystérique pareille, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et à un moment donné, je comprends, ça fait peur, quoi. Je veux dire, bon. Alors bon, bref, donc pendant le débat, on a vu non seulement ses lacunes, mais je dirais son véritable visage, quoi. Moi je l'ai vu extrêmement agressive à l'égard de son père. On a vu comment elle agit, puisqu'au fond elle a agi en infirmière politique à quelques brancardiers comme Elio Filippo pour euthanasier le père, hein, lui administrer la piqûre létale aux 20h de TF1 le 9 avril 2015, alors qu'elle doit tout à son père, la vie, la santé, son nom, sa position sociale, ses biens, etc. Et finalement, pour, en quelque sorte, l'assassiner en direct, quoi. Et tout ça pour plaire au président du CRIF. Comme je dis, c'est pas crime et châtiment, c'est CRIF et châtiment, quoi. Parce qu'elle voulait, en quelque sorte, avoir le lobbyionniste avec elle, quoi. Je veux dire, c'est ça, fondamentalement, parce qu'elle sait de quel côté sont les puissants, quoi. Et je pense qu'on a dû lui faire croire, notamment Goldanel et quelques autres, qu'en éliminant son père qui était le diable, eh bien, elle pourrait accéder au pouvoir. Mais on a vu dès les régionales au deuxième tour qui n'ont eu aucune région, qui n'ont eu aucun département, qui n'ont eu aucune grande ville quasiment. Et que, il y a eu un bloc quand même contre eux. Ils ont eu un. Eh ben, ils ont un bloc contre eux, ce qui prouve que ça ne servait à rien, quoi, je veux dire. Il y a eu le déshonneur et la défaite en même temps. Voilà. Parce que, quand même, sacrifier son père, qui était le fondateur du mouvement, qui plus est. Moi, j'ai essayé de regarder dans la politique mondiale, je ne vois pas de précédent dans l'histoire. Tout continent, tout pays confondu, je ne vois pas de précédent où un successeur a éliminé le fondateur du mouvement. A fortiori quand le successeur est l'enfant biologique du fondateur. C'est quand même quelque chose d'inouï ce qu'on a vécu, d'inouï. C'est un peu comme si Jacques Chirac avait été éliminé du RPR, Mitterrand du PS, Marché du PC, ou Valéry Giscard d'Estaing du DF, mais je dirais que c'est presque encore pire, car là, c'est vraiment sa propre fille, quoi, je veux dire. C'est quand même quelque chose de saisissant, quand même. Mais est-ce que, c'est justement, par rapport à la prestation de Marine, mais est-ce que ce n'est pas le nom Le Pen aussi qui lui porte préjudice quelque part? Parce alors, que les gens sont bloqués. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire, je pense que d'un côté, ça permet d'avoir un matelas de voix, incontestablement. Donc de ce point de vue-là, c'est un avantage. Mais il est évident que pour obtenir la majorité absolue du suffrage exprimé dans le cadre du scrutin majoritaire à deux tours, comme c'est le cas à une présidentielle ou à une législative ou à une municipale, il est évident que c'est un obstacle. Ça, c'est un obstacle parce qu'il y a quand même une diabolisation depuis des décennies qui fonctionne, quand même, y compris dans l'inconscient des gens. Quand il s'agit de réunir sur son nom une majorité absolue des suffrages, ce qui doit être le cas à un deuxième tour de l'élection présidentielle, eh bien évidemment, c'est très compliqué. Et effectivement, je pense en effet que ce qui peut être possible, peut-être ici ou là, à l'échelle d'un canton, peut-être d'une petite ville, etc., à mon avis, ne l'est pas, dans les circonstances présentes en tout cas, à l'échelle d'une grande région et a fortiori du pays. Ça me paraît effectivement peu envisageable, en effet. Parce que les trois religions que vous avez mentionnées tout à l'heure au début, ce sont bien aussi trois religions auxquelles on peut dire que la droite classique, en tout cas les républicains, comme on les appelle, ils ont complètement adhéré. Tout à fait. Enfin, mais c'est pas, les républicains, ce n'est pas la droite. Alors, expliquez-nous. C'est la droite peut-être parlementaire, ouais, politicienne, voilà. Cosmopolite, mais ça n'est pas la droite, je dirais, historique en quelque sorte. Hein, puisque la droite, c'est quand même, historiquement, la défense, comme je le disais, de la patrie, de la famille, de la religion, des corps intermédiaires, toutes choses que ne défend plus. Depuis de longues décennies maintenant, aucun des partis politiques du système ayant accès aux médias. Et est-ce qu'ils n'ont pas laissé justement ces combats à ce qu'on appelle l'extrême droite? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droite, il n'y a qu'une extrême. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus de droite, mais l'extrême droite elle-même, enfin, ça dépend ce qu'on entend par là. Mais si l'extrême droite, c'est le Front National de Marine Le Pen, qui d'ailleurs va devenir le 1er juin le Rassemblement National. Ah oui, ils vont changer de nom. Ils vont changer de nom. Ce qui d'ailleurs, on achève le parti après le parricide, le particide. Puisque, après avoir supprimé son père, après avoir supprimé le programme, les fondamentaux, le père, maintenant, c'est assez logique finalement dans la liquidation générale, eh bien, on liquide le nom. C'est presque freudien, cette affaire. Non, Le Pen aurait été tué par ses filles. Parce que Marie-Caroline l'aînée, quand même, avait tué la Serpe. C'est la Serpe, c'est la maison de disques d'édition qu'il avait fondée en 1963. En 2000, elle l'élimine, hein, un peu après la scission maigrettiste. Finalement, donc ça, c'est sa fille aînée. Et sa Benjamine, donc la fille aînée lui a tué la Serpe. Et sa Benjamine lui aura tué le Front National. Donc ces deux bébés, en quelque sorte, qu'il avait créés, ces deux entreprises, ces deux mouvements, auxquels il a consacré quand même tant de labeur, tant de travail, c'est quand même c'est quelque chose de poignant quand on y réfléchit, de sidérant. Hein. C'est quand même c'est hallucinant quand on y réfléchit. Voilà, il ne reste rien quoi des deux entreprises qu'il avait créées, qui auront duré plusieurs décennies, mais qui auront été éliminées par ses propres filles. C'est freudien. Hein. Et ça veut dire quoi, cette union? Parce que l'union des droites, c'est pas une chimère, un peu, justement. C'est quelque chose que j'entends beaucoup en ce moment. Mais vous, là, vous me dites, c'est vrai, la droite traditionnelle, classique, elle n'existe plus, en tout cas, elle n'est plus vraiment à droite. Il reste quoi, alors, ce qu'on va appeler les gens qui seront encore plus à droite, alors ce qu'on qualifie d'extrême droite? Mais est-ce que ça représente de toute façon, il faut bien comprendre que, de toute façon, si on regarde la politique française, mais je pense que c'est vrai aussi pour la plupart des autres pays du monde, depuis un certain nombre de décennies, quand on regarde les grandes tendances, les grands fondamentaux, de toute façon, c'est toujours la même politique qui est menée par les différentes équipes, pour l'essentiel, à des nuances près. Et que, par exemple, la politique de submersion migratoire, de ce que certains appellent à juste titre le grand remplacement, cette politique elle a été menée autant par la gauche que par la droite depuis des décennies, bon, incontestablement. Qu'il s'agisse de la politique de destruction de la famille, par les lois sur la contraception, l'avortement, l'homosexualité, il est évident. Donc là encore, la droite et la gauche du système ont mené la même politique, ont voté les mêmes lois, ont pris les mêmes mesures. Et lorsque la gauche prend une mesure par ce qu'on appelle le principe du cliquet, eh bien de toute façon la droite ne revient jamais dessus. On le voit par exemple avec le PACS, sur lequel qui était donc voté, promulgué, appliqué dès 1999 par le gouvernement de Lionel Jospin. Et la droite, une fois au pouvoir, ce qui en tient lieu, ne l'a jamais remis en question. Et pour le mariage homosexuel, 15 ans plus tard, en 2013, eh bien, c'est pareil, quoi. Il est évident que plus personne ne reviendra dessus. Donc, selon le principe du cliquet. Et c'est ainsi qu'on va toujours de plus en plus dans la décadence, et dans la barbarie des mœurs et des comportements. Et donc, fondamentalement, c'est la même politique qui est menée. Mais je dirais le côté le plus pervers de la démocratie moderne, avec sa dimension médiatique qui consiste à décérébrer les esprits, les cerveaux, ce sont des entreprises de manipulation de masse, de sorte que les gens vous font croire qu'ils vont sauver le pays, alors qu'en réalité, ils obéissent tous finalement au cénacle mondialiste et à un certain nombre de lobbies, dont le plus puissant, c'est pas le seul, mais c'est le lobby sioniste, mais il y a aussi le lobby LGBT, le lobby de l'immigration, etc. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement, justement, à cette communauté juive, hormis le sionisme proprement dit? Parce que je sais que voilà, vous êtes apparu même dans un documentaire de Planète Plus sur l'antisémitisme. Vous y apparaissez, on va dire, sous l'angle de quelqu'un profondément fâché, en tout cas, avec cette communauté. Mais c'est. Vous dire qu'ils ont sélectionné aussi les moments. J'imagine de montrer. Sélectionné, puisque c'était pas en direct, donc ils ont essayé de montrer ce qu'ils voulaient montrer, quoi. Voilà. La vérité, c'est que moi, si vous voulez, lorsque j'ai commencé mon itinéraire politique à un niveau modeste, lorsque j'étais adolescent, quand j'ai milité au Front National, après avoir vu Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité, le trouvant, J'étais vraiment enthousiasmé, tant sur le fond que sur la forme, par ce qu'il disait. Et puis ça me paraissait non seulement de bon sens, mais en plus, il y avait une qualité de la langue, du français. Je sentais quand même un courage, une sincérité. Donc vraiment, ça m'avait beaucoup impressionné, beaucoup plu. Je trouvais que tout le reste était tellement médiocre, fade. J'ai toujours détesté ce qui était inodore, incolore. Hein, y compris en cuisine, d'ailleurs, mais y compris dans les relations. J'ai toujours aimé ce qui était un petit peu épicé. Quoi. Bon, voilà. Et donc, en l'occurrence, donc c'était quand même, de ce point de vue-là, très, très plaisant, très agréable. Il était très brillant, il excellait. Et donc, je me suis rendu compte assez rapidement, peu à peu, progressivement, que ceux qui étaient les plus hostiles à la droite nationale, au Front national, que je trouvais souvent de manière injuste, ou caricaturale, ou excessive, ou même totalement infondée, il s'avérait que, le plus souvent, il s'agissait de personnalités éminentes de la communauté juive. Et on nous faisait un procès antisémitisme, alors que moi, jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question. Et donc, ça m'a amené progressivement à réfléchir et à évoluer sur cette question, plus, bien sûr, après la suite, un certain nombre de lectures, de réflexions, de conversations, etc. Et donc, j'étais amené à comprendre, peu à peu, qu'il y avait quand même une question juive, quoi, un problème juif, c'est évident. Je veux dire, alors, je ne dis pas que c'est que c'est évidemment la seule question. Il est d'autres questions importantes, évidemment, mais je pense que c'est une question qui est quand même centrale. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas l'aborder. Bon, d'abord, il y a des gens qui n'en sont pas conscients, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce que c'est quand même très risqué. Mais c'est-à-dire, au-delà, évidemment, bon, on peut éviter d'aborder les problèmes, loi Guesso et compagnie, mais voilà, si on met ça de côté, qui n'est pas un moindre problème, hein, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est quoi? C'est l'influence des Juifs sur le pays, c'est ça? C'est le procès? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, il faut quand même savoir, c'est facile à prouver, à démontrer que, par exemple, s'agissant de la politique d'immigration massive en France, la plupart d'organisations juives ont été en pointe pour la défense de l'immigration de masse, et contre les patriotes qui s'y opposaient. C'est le cas de ce racisme, qui était quand même essentiellement juif, avec Bernard-Henri Lévy, avec Marek Alter, bon, toute une série de personnalités de ce type, l'ICRA, évidemment, toute une série d'organisations, d'intellectuels, de BHL, même de Finkielkraut à l'époque. Oui, Finkielkraut à l'époque. Donc qui était tout à fait favorable à l'immigration de masse. Mais, comme j'ai pu le dire et l'écrire également, ça c'est vrai au niveau de l'immigration, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. C'est vrai notamment dans la destruction ou la révolution du droit de la famille, puisque, par exemple, si vous reprenez toutes les lois de destruction de la famille traditionnelle en France, vous apercevez que les auteurs de ces lois s'avèrent, je ne peux rien, c'est ainsi, s'avèrent être israélites, quoi, puisque la loi Naquet sur le divorce en 1884, la loi Neuvir sur la contraception, la bulle contraception en 67, la loi Veil en 75 sur l'avortement, le rapporteur sur le pape, je crois que c'était Bloch en 99, la théorie du genre Judith Butler, bon, et puis même celui qui est à l'origine de la pilule R486, c'était également un israélite. Bon, je crois qu'il y a aussi le professeur Nizan qui est très en pointe aussi sur l'avortement, sur toutes ces questions-là, sur la question du déni de grossesse, où c'est des femmes qui tuent leur bébé, ils les excusent, bon, etc. Voilà. Donc on voit très bien, si vous voulez, quand même, que c'est quand même très frappant. Et même, par exemple, le Nouvel Observateur, qui est quand même très juif, hein, je veux dire, par ses collaborateurs, par ses dirigeants, etc. Et, le Nouvel Observateur a été en pointe dans toutes les années 70-80, dans la destruction de la famille, dans le féminisme, dans l'immigrationnisme. Mais c'est un peu la gauche, tant qu'elle était toute comme ça. Oui, c'est la gauche, mais c'est une gauche quand même très particulière. C'est une gauche quand même très marquée quand même par sa dimension juive dans l'affaire. Bon. D'ailleurs, le communisme aussi, c'est très juif, hein, quand même, fondamentalement. Hein. Il suffit de voir, s'agissant de la révolution russe notamment, que la plupart de ses responsables sont d'origine juive. Bon, hein. Même parmi les trotskistes, etc. Mais est-ce que pour autant on peut penser qu'il y a dire que tous ces juifs travaillent dans le même dans un même but? Ils sont quoi? La réalité est toujours plus complexe. Mais donc je pense que, si vous voulez, ils sont nationalistes pour l'État d'Israël, mais ils sont antiracistes pour tous les autres et œuvrent objectivement à une dilution, une destruction des identités. Alors évidemment, quand on dit les juifs, on ne peut pas dire tous les juifs, parce qu'il y a des juifs, nationaux, il y a des juifs indifférents à cela, donc c'est toujours abusif de dire les juifs en général. Bon, mais ça implique des précautions de langage infinies. Je veux dire, quand quand on dit les Français ont gagné telle bataille, en fait, d'une certaine façon, ça n'est que quelques Français, mais en ce cas-là, on ne peut plus s'exprimer, quoi. S'il faut, il faut toujours des précautions oratoires extrêmes. Bon. Mais fondamentalement, bon, donc il y a cette dimension-là. Et puis je dirais qu'en plus, l'État d'Israël, l'entité sioniste, l'israélisation de questions juives, a aggravé considérablement le problème, parce que ça a donné à cette communauté une armée, bon, maintenant même. L'arme atomique, une diplomatie, des dirigeants politiques, évidemment une influence considérable qu'on voit chaque jour. Non seulement bon, à l'égard des Palestiniens qu'ils maltraitent, qu'ils persécutent depuis 70 ans. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, jour pour jour, ce 14 mai, ça fait 70 ans aujourd'hui, qui a été proclamé l'État d'Israël. On voit très bien qu'en plus, que l'État d'Israël, objectivement, c'est un fait, moi je n'y peux rien encore, c'est un fait objectif, est un élément de déstabilisation du Proche-Orient, et je dirais même du monde entier. On voit très bien encore aujourd'hui, dans son attitude par rapport à la Syrie, hein, bombardant la Syrie, par rapport à l'Iran, hier par rapport à l'Irak, parce que l'entité sioniste ne souffre pas, ne supporte pas d'avoir des voisins. Puissant politiquement, économiquement, militairement, diplomatiquement, et elle ne souhaite avoir que des esclaves, ou que des gens qui lui sont complètement soumis, ou une forme de stratégie du chaos, avec un grand cynisme, ce qui est quand même extrêmement choquant. Et il est évident que l'État d'Israël, contrairement à ce que disent des imbéciles qui considéraient que Israël est, comment dirais-je, une avancée de l'Occident en Orient, en fait, pas du tout. Hein, c'est véritablement une verrue, quoi, cet État. Et je pense que, effectivement, sa destruction, alors quand je dis sa destruction, la destruction de l'État, ça va être la destruction de ses habitants, hein, ou de ses sites, ou de ses paysages. Mais la destruction de cet État, je pense, serait effectivement une bonne chose. Non pas qu'elle résoudrait tous les problèmes, mais il est évident que l'État d'Israël, objectivement, au niveau de la politique mondiale, est un élément de déstabilisation considérable qui met en danger la paix mondiale. Non seulement la paix dans cette région du monde, mais même la paix mondiale. Enfin, ça me paraît d'une évidence aveuglante, quoi, je veux dire, si on n'est pas. Et donc, voir que tous les partis politiques, y compris ce qu'on appelle l'extrême droite, pour pouvoir être bien vu des médias, pour pouvoir être accepté dans les médias, pour avoir des financements publics, pour pouvoir espérer faire carrière, se croient obligés de faire des courbettes devant l'État d'Israël, et aller même à Yad Vashem, comment dirais-je, eh bien, donner l'encens devant l'idole, etc., brûler l'encens devant l'idole, je veux dire, ça n'est pas. Moi, je trouve ça tout à fait répugnant, quoi. Moi, je me refuse totalement, quoi qu'il en coûte. Hein. Parce que c'est quelque chose qui est contraire à la vérité, à l'honneur, au bon sens, à la morale. Quand je vois la façon dont j'avoue, quand j'étais jeune homme, je connaissais rien au problème. Quand j'étais adolescent, que je voyais déjà dans les années 80 les images à la télévision des brutalités inouïes de l'armée israélienne vis-à-vis de Palestiniens désarmés, vis-à-vis de gamins, vis-à-vis d'adolescents civils désarmés, qui sont chez eux en plus. Hein. C'est ça, je veux dire. Parce que, bon, en plus, ce qui est énorme, c'est qu'ils sont chez eux. La façon dont, il faut voir la façon dont l'armée israélienne détruit les maisons des Palestiniens, hein, je veux dire, jusqu'à détruire les cadastres. Et ils rasent complètement les maisons. Hein, je veux dire, c'est absolument effrayant. Si nous, on vivait ça, mais je veux dire, on serait complètement révoltés. Donc après, on s'étonne après qu'ils jettent des cailloux. Ou qu'ils ont envie de semer la mort et de la désolation en face. Mais comment peuvent-ils agir autrement? Puisqu'ils sont niés dans leur existence. Au nom de la sécurité d'Israël, on annihile, on interdit à un peuple de pouvoir vivre décemment. On lui interdit pas simplement un État avec des frontières garanties. Hein, on lui interdit même le droit de vivre dignement, parce qu'il faut voir, même c'est les colons qui prennent quasiment tout l'eau, il y a des restrictions d'eau effrayantes, enfin, il y a des humiliations, des vexations permanentes, absolument injustifiées, absolument ignobles. Voilà, enfin, aucun pays au monde ne pourrait se permettre d'agir ainsi sans recevoir des bombes sur la figure. Hein, voilà. Mais l'État d'Israël peut, et peut pourquoi? Au nom de la Shoah, parce que la Shoah lui permet. La Shoah est un permis de tuer en permanence, quoi, etc. Voilà. C'est une impunité, une immunité permanente qui lui permet, et dont elle joue d'ailleurs, je dirais, avec un cynisme éhonté en permanence. D'ailleurs, à chaque fois que des chefs, des dignitaires politiques ou religieux viennent en Israël, la première chose qu'ils font, ou une des premières choses qu'ils font, c'est d'aller à Yad Vashem. Hein. C'est-à-dire vraiment. Donc déjà, ils se mettent en position d'infériorité, puisque finalement, ils acceptent en quelque sorte, je dirais, comment dirais-je, de respecter ce dogme, en quelque sorte. Hein. Or, il faut bien comprendre que le sionisme repose sur une triple imposture. L'imposture, d'abord, du refus de la divinité du Christ, hein, puisque faut quand même comprendre quand même que les juifs qui ont créé l'État d'Israël, c'est des juifs qui refusent la divinité du Christ, qui refusent le Christ. Hein, bon, voilà. Donc déjà moi, le catholique que je suis ne peut pas accepter ça, c'est le premier point. Bon. Et deuxième point, deuxième imposture, le sionisme, qui postule qu'il faut une terre pour un peuple sans terre, une terre Sans sans peuple pour un peuple sans sans terre, terre, alors que c'est pas vrai qu'il y ait une terre sans peuple, puisqu'il y avait des Palestiniens qui étaient là. Donc je veux dire, c'est une pétition de principe qui est complètement erronée et mensongère, hein, puisqu'il y a un peuple qu'il a fallu chasser, qu'il faut continuer à martyriser Bien sûr, pour oui. pouvoir asseoir sa domination. Bon, donc c'est un mensonge éhonté. Et troisièmement, bon, bah, la religion de la Shoah, quoi, je veux dire, dont il n'est pas permis de parler librement, puisque les lois interdisent, en fond, et d'ailleurs, ça devrait faire réfléchir aux gens, qu'on peut tout critiquer, on peut tout contester quasiment en France et en Europe, mais il faut savoir que dans la plupart des pays d'Europe et d'Occident, je crois que maintenant, il y a environ une trentaine de pays où il y a l'équivalent d'une loi Guesso. Il y a des pays, c'est jusqu'à 10 ans, hein, notamment en Autriche, jusqu'à 10 ans de prison ferme, c'est hallucinant, hein, ce qui est le cas pour un crime, hein, un crime même. Un meurtre avec des violences extrêmes, 10 ans de prison pour contester ou même simplement émettre un doute sur ce dogme. Voilà, je veux dire, bon, alors qu'après on va nous parler de la liberté en histoire, de la liberté de l'esprit, de la liberté intellectuelle, etc. Ça devrait quand même faire réfléchir, quoi. Bon. Et donc on voit très bien que c'est vraiment la clé de voûte du système, le nœud gordien, c'est évident. Voilà. Alors il y a peu de gens qui ont le courage d'affronter ça parce que ça marginalise socialement. Ça mène une persécution effectivement judiciaire, avec souvent des amendes financières considérables, éventuellement un risque de peine de prison, et puis ça mène une relégation sociologique considérable d'un point de vue familial. Parce que vous savez, les gens, alors, des gens, ils sont pas très courageux, ils veulent faire carrière, ils veulent pas de problème, hein, ils veulent la paix, quoi, je veux dire, même si la paix ça implique d'accepter le mensonge et la calomnie. Parce que, et donc, en l'occurrence, il est évident que si vous touchez à ce sujet-là, qui est un sujet tabou, vous n'avez que des coups à prendre. Et c'est la raison pour laquelle, moi, le professeur Frisson me dit bien que depuis près d'un demi-siècle, qu'il se mêle de cette affaire, et qu'il ne lâche rien sur cette affaire, sa vie a été un enfer, pour lui, mais pour ses proches Mais également, pour pour tout sa le monde, famille, ouais. hein, Et pour ouais. tout le monde, voilà. Oui, il Hein, explique dans l'interview que j'ai voilà. fait avec lui, il Mais explique c'est vrai ça, également hein, pour Vincent tout Renoir, à que vous avez fait. reçu aussi avec beaucoup de courage. Bon, bah, effectivement, il a dû s'exiler, sa famille a explosé à cause de cela. D'ailleurs, je ne connais quasiment pas de révisionniste, quelques rares exceptions près, dont la famille n'a pas explosé. C'est évident que pour l'épouse, pour les enfants, c'est épouvantable comme situation, etc. Voilà. Mais, encore une fois, moi, ce que j'apprécie chez des gens, et je sais que c'est rare aujourd'hui, c'est quand même l'honnêteté intellectuelle et le courage d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Moi, j'avoue que je suis admiratif devant ça. Je ne suis pas admiratif devant les médiocres, moi. Je veux dire, bon, parce que les médiocres, on est tous plus ou moins. Bon. Et donc, moi, si vous voulez. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on aimerait avoir des chefs qu'on voudrait suivre avec enthousiasme, avec ferveur, mais il manque terriblement, parce que c'est pour avoir des gens qui sont finalement aussi médiocres que vous ou pires que vous, je veux dire, c'est pas très intéressant, ni très enthousiasmant, quoi. Et c'est le drame aujourd'hui. Moi, je vous dis franchement, ça fait 10 ans que je ne vote plus, et moi, j'encourage les gens à ne pas voter. Je vous dis franchement, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je n'impose rien, évidemment, je n'en dirai pas le pouvoir, mais je pense personnellement que, qu'est-ce que vous voulez, les gens, ils se plaignent toujours d'être cocus, de se faire avoir, et ils recommencent à aller voter, qu'est-ce que vous voulez. Quand je vois qu'il y avait, par exemple, 4 millions de gens qui sont allés voter Fillon, ils étaient contents de donner leur pièce de 2 euros, hein. Il fallait les voir, hein. Ils étaient fiers comme tout et tout ça. Pour un type dont on a appris par la suite que finalement, alors que on lui donnait le bon Dieu sans confession, qu'en fait c'était un pourri de chez pourri. Parce que ce qui m'a le plus frappé, parce que effectivement dans cette affaire elle était exploitée politiquement, on est d'accord, mais tout était vrai quand même, hein, tout était vrai de A à Z, hein, tout était vrai. Et ce qui est le plus choquant dans cette affaire, plus que l'affaire des costumes, plus que tout le reste, moi je trouve, c'est que, et ça c'est un fait avéré, qu'il ait demandé à ses enfants, alors qu'il est châtelain et qu'il a quand même des moyens, de rembourser l'intégralité des frais de leur mariage. Enfin, je sais pas, vous avez des enfants et vous avez des moyens quand même pour leur faire le mariage, vous ne leur demandez pas de rembourser l'intégralité. C'est une mesquinerie. Ça, c'est ce qu'on appelle la droite d'argent, vous voyez. C'est la bourgeoisie d'argent, je veux dire. Ouais. Donc, et d'ailleurs, du point de vue-là, Henri Guénaud, bon, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il est gaulliste, ce n'est pas mon cas, mais je dois dire que quand il avait dit finalement que l'électorat dans le 7e arrondissement de Paris où il était, finalement, c'était des gens, ils mettent leurs enfants au catéchisme, tout ça, etc. Hein, c'est bien leur faire leur première communion, mais après ils ont un problème de conscience à voter pour un pourri. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Hein, je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, tout le monde savait qu'il était pourri, hein, quel que soit par ailleurs, je veux dire, ils sont tous pourris, on est d'accord. Enfin, lui, on a vraiment les faits de manière explicite. Il y a quand même plus de 20% des gens qui ont quand même voté pour lui. Hein. Bon. Mais il y avait quand même une volonté de l'éliminer, Fillon, parce qu'il a, il aurait eu de grandes chances face à Macron, quand même, plus que Marine Le Pen, peut-être. Bah, pas après les affaires. Hein. Après pas les après les affaires, ah non, après les affaires, c'était fini. Cela dit, vous savez, je ne suis pas certain qu'il aurait quand même gagné, quand même, parce que rappelez-vous que, compte tenu de son programme sur la sécurité sociale, il avait déjà flanché, rappelez-vous, après les primaires. Oui, c'est vrai. Il a 30-32, et vous voyez quand même les sondages. En plus, curieusement, dès le lendemain des primaires où il a gagné, il disparaît complètement pendant un mois, on ne tombe pas du tout pour aller. Sarkozy, je vous disais, quand il était candidat, il faisait toujours des déclarations, il arrivait à mettre les caméras autour de lui, à référer l'actualité, etc. Ce qui est le propre d'une campagne électorale, hein, je veux dire. Bon. Or, lui, il disparaît complètement de manière assez étonnante pendant plus d'un mois, etc. Et après, finalement, lorsque apparaît son programme sur la sécurité sociale, il est évident que là, il baisse énormément, hein, il perd 6-7 points. Donc, si vous voulez, il était déjà fragilisé par cette affaire, et il est évident que après les dossiers qu'a sorti le canard enchaîné, eh bien, évidemment, un candidat qui était déjà affaibli, démonétisé, il est certain que ça a eu un effet catastrophique, mais quand même, finalement, il a raté le deuxième tour à un point près, hein, finalement. Oui, pas grand-chose. Hein, deux voix pour bureau de vote. Il lui a manqué deux voix pour bureau de vote, donc c'est pas si énorme que ça. Et moi, je dois dire que tous les gens, presque, qui habituellement votaient pour ce qu'on appelle la droite parlementaire, la droite institutionnelle, ont quand même voté pour lui, hein, je veux dire. Ont quand même voté pour lui, alors qu'ils auraient pu s'abstenir, voter blanc, éventuellement voter pour un autre candidat. Voilà. Donc, bon, mais si vous voulez, moi j'entends toujours les gens dire finalement, on s'est fait avoir, on s'est fait manipuler. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends ça depuis 30 ans. Mais j'observe qu'il y a toujours autant ou quasiment autant de participation aux élections. Alors que je pense que s'il y avait 90 et 95% d'abstention, certes, ça n'empêcherait pas légalement les gens de gouverner, mais ça montrerait un discrédit total de la population. Ça montrerait quand même qu'il n'y a aucune adhésion de la population à ce système politique intrinsèquement pervers. Bon, et moi je trouve personnellement que l'abstention radicale systématique à toutes les élections, moi je pense que c'est la meilleure solution, parce que c'est vraiment être hors système, quoi. C'est vraiment montrer son mépris total du système, et le fait qu'on... Parce qu'en plus, il faut savoir quand même qu'en votant, on les finance. Hein. Aux législatives, chaque voix, donc plus il y a de votants, plus ils ont d'argent, hein. Chaque voix, donc, les finance. Et à toutes les autres élections, ça leur permet d'avoir des mandats électifs rémunérateurs, qui leur permettent de bien vivre, et qui leur permet à chaque fois en plus de trahir les électeurs. Donc, si on ne vote pas, on ne participe pas soi-même, ni au financement public des partis, ni au fait qu'ils obtiennent des mandats électifs. Et comme personnellement, je trouve aussi pourri d'un camp à l'autre, dans les candidats qui nous sont proposés, je le trouve finalement assez interchangeable, parce qu'au fond, finalement, ils sont tous soumis au CRIF, quoi, peu ou prou, finalement. Même les candidats un peu plus indépendants, comme, je sais pas, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau... Dupont-Aignan, je veux dire, d'abord, c'est un gaulliste. Alors, le gaullisme, pour moi, c'est synonyme de trahison. Enfin, je veux dire, être gaulliste... Enfin, je veux dire, c'est un des personnages les plus néfastes de l'histoire de France. À ce point-là, De Gaulle. C'est évident, enfin, je veux dire. J'ai reçu ici, Adrien Abosi, qui nous a fait un exposé sur Pétain, et effectivement, l'histoire un petit peu plus complexe, mais de là, on va ajouter le bébé avec l'eau du bain, De Gaulle, parce qu'il a quand même... De Gaulle, on lui doit quand même... Vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, mais pour c'est pas la personne quand même à qui on doit de ne pas être dans le camp des vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, je pense que sincèrement, je voudrais choquer personne, mais enfin... Allez-y. Oh, ça va. Non, mais je pense que 1945, ça a été la défaite de l'Europe et de la civilisation et de la chrétienté, et non pas l'inverse. D'ailleurs, on voit très bien ce qui se passe depuis. Donc, je veux dire, je pense qu'on a choisi... On a été du côté dans le camp du mauvais cheval, hein, si j'ose dire. je le dis franchement. Hein, je veux dire. Moi, j'étais pour la victoire des fascistes, hein, des puissances de l'Axe. Hein. J'étais, c'est idiot de dire ça, puisque je veux dire, je n'étais pas né, mais je veux dire, en soi, intellectuellement, ça me paraît évident que, même s'il y a sans doute des reproches qu'on peut leur faire, des critiques pertinentes à faire, il me semble qu'il n'y avait quand même pas photo. Je veux dire, vous aviez quand même une défense, un certain nombre de principes traditionnels, vous aviez quand même, bon. Moi, il me semble quand même que il n'y avait pas. Entre la verrue démocratique, finalement, et quand même des régimes qui étaient nés quand même dans les tranchées en 14, quoi, avec des hommes de caractère, de conviction, etc., qui avaient redressé leur pays, globalement, quand même, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, qui avaient un rôle éminemment positif, me semble-t-il. Bon, eh bien, non, je considère que De Gaulle a eu un rôle tout à fait néfaste là, puis il a eu un rôle tout à fait néfaste en refusant la réconciliation des Français après la guerre, hein, en jouant une politique de guerre civile pour des raisons essentiellement d'ambition personnelle. Hein. D'ailleurs, ça va être dénoncé par Rivarol, c'est ça, cette Ah oui, politique-là, tout à ouais, dès le fait. début, En par les prenant des ministres fondateurs. communistes au gouvernement, il a donné quand même aux communistes la presse, l'édition, les docks, etc. Enfin, la gestion de l'électricité, du gaz, etc. De sorte que il leur a donné des positions stratégiques concernant le pays, ce qui est une véritable trahison, c'est vraiment criminel. Hein. Et d'ailleurs, la CGT, le PC l'ont souvent fait payer, je veux dire, bon, par exemple, avec le syndicat du livre, par rapport à la presse, c'est quelque chose d'abject. Il a préféré les communistes, il a préféré Thorez au maréchal Pétain, quoi, je veux dire. De Gaulle, c'est ça, bon. Et en Algérie, en un sens, c'est presque encore pire, quoi, ce qu'il a fait vis-à-vis des Français d'Algérie, vis-à-vis des harkis, hein, où en plus il a menti de manière active, quoi, en disant qu'il ferait l'Algérie française. Française, vive l'Algérie française, la France d'Ankerka à Tamanrasset, avec moi jamais le drapeau du FLN ne flottera sur Alger, des déclarations publiques qu'il a faites, quoi, je veux dire. Bon, et donc, alors qu'il a fait le contraire, que l'armée avait donné sa parole, et donc qu'il a obligé l'armée, ce qui était tout à fait une forme de déshonneur, et tout à fait abject sur le plan moral, quand même, d'aller contre. Et puis on dit, c'est un homme de grandeur, mais il a rapetissé la France, il l'a rétréci. Il a rétréci au lavage, si j'ose dire. Je veux dire, je suis désolé, je veux dire, bon, moi je suis pour une France quand même impériale, je veux dire, bon, de toute façon, si soudainement ça ne grandit pas, c'est les autres qui viennent chez vous, hein, bon, je veux dire, c'est la loi de l'histoire. Donc je veux dire, c'est quand même pitoyable. On avait la chance d'avoir quand même des possessions françaises sur les cinq continents, sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, avec en plus toute la matière première qu'il y avait derrière, hein, parce que, avec le Sahara, il y a le pétrole, il y a le gaz naturel, etc. Donc je dis pas que ça n'impliquait pas un certain nombre d'évolutions, d'amodiations, etc. Mais bon, alors là, vous me disiez, il a jeté le bébé l'eau du bain, ben, l'eau du bain, là, c'est ce qu'il a fait, je veux dire, hein. C'est effrayant. Et vous remarquerez d'ailleurs que depuis la perte de l'Algérie en 62, il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de grand dessein, il n'y a plus rien, quoi. C'est la société de consommation. J'avais été frappé, j'avais retrouvé dans les archives de l'INA un discours qu'il avait fait en 65, pitoyable de Gaulle, hein, où il disait finalement, qu'est-ce que veut la ménagère, avoir un aspirateur, avoir... C'était de son niveau. De Gaulle, c'est ça, c'était le niveau, c'était vraiment ras des pâquerettes, hein, je veux dire. Hein. Donc quand on le présente, etc., il n'y avait aucune grandeur, aucun idéal, aucun grand dessein. C'est nul, nul. Ah non, bon, vraiment, le gaullisme, c'est la fausse grandeur. Puis alors ce prétendu catholicisme, alors qu'à chaque fois, il s'est entouré de juifs et de francs-maçons, enfin, je veux dire, René Cassin, non mais à Londres, René Cassin, la Déclaration universelle des droits de l'homme, Neuwirth, le père de la pilule. D'ailleurs, vous connaissez l'anecdote, ça je crois qu'elle est authentique, c'est Pierre Sidos qui me l'a raconté. Bon, on va essayer de donner nos introduits pour leur argent, donc on va le raconter. Je crois que c'est authentique, hein, Pierre Sidos m'a raconté ça. Et donc il me disait, pendant sa traversée du désert, à colomber les deux églises, donc De Gaulle, il y a un moment donné, à son épouse, eh bien, de lui préparer à manger, de préparer la table, parce que il va inviter Neuwirth à manger. Neuwirth. Et son épouse, qui était quand même d'une éducation catholique, vieille France, provinciale, rurale, tout ça, etc., elle lui répond, mais c'est le cri du cœur, Charles, vous n'y pensez pas. Un juif à notre table. Bon, mais autrefois, non, mais autrefois, ça ne se faisait pas, je veux dire, effectivement, de recevoir, on ne recevait pas des divorcés autrefois à une première communion, un mariage et tout ça. Aujourd'hui, ça paraît très inouï, parce que les mœurs ont changé. Autrefois, on ne recevait pas une divorcée. Pierre Sido se le disait, sa mère, à première communion, un mariage, jamais elle aurait reçu une divorcée, quoi, je veux dire, c'était infamant, quoi, je veux dire, à l'époque. Bon, aujourd'hui, même dans la bourgeoisie provinciale, jusqu'à la fin des années 50 et même un peu au-delà, c'était, je veux dire, une relégation sociologique, bon, je veux dire. Aujourd'hui, même être homosexuel, c'est un plus, hein, pour être maire de Paris, pour être, bon, Notre-Dame de Paris. Bon voilà, pour qu'on appelait de la Noé ou notre drame de Paris, bon, c'est même un plus aujourd'hui, ouais, je veux dire. Bon, plus on est tordu, plus on avance. Bon, c'est l'inversion des mœurs. Bon, eh bien, donc là, en l'occurrence, s'agissant donc effectivement, et donc Pierre Sidos me disait, bon, bah, à la limite, aller acheter des étoffes chez le comment dirais-je, chez le juif du coin, ça c'est une chose, mais jamais de médecin juif, jamais de juif à sa table, quoi, je veux dire, c'est tout. Ça ne se faisait pas, quoi, je veux dire, c'est tout. De même qu'on ne déjeunait pas avec des pêcheurs publics, voilà, la société catholique, c'était ça, c'était très bien comme ça, c'est tout, je veux dire. Tant pis, je choque des gens, mange les choses, hein, moi. Voilà. Bon, eh bien, voilà, ce que je veux dire maintenant, aujourd'hui, c'est le grand mélange, le grand n'importe quoi, parce que là, je vous dis, c'est effrayant. Bon, alors, tout ça pour dire, donc, que, oui, De Gaulle a été, donc De Gaulle, il était toujours entouré de juifs, de francs-maçons, à chaque fois qu'il est revenu au pouvoir, il les a amenés dans sa valise, quoi. Bon, puis, même sur le plan de l'université, avec les lois Edgar Faure, démocratisant l'enseignement, enfin, je veux dire, la destruction de l'université française, elle porte un nom, Charles de Gaulle. Hein, bon, même les mathématiques modernes, avec ses différents ministres, Mais quand même, il a la initié destruction de des grands l'éducation projets de nationale. Gaulle économiques, TGV, Concorde, le nucléaire, l'indépendance de la France, tout ça, c'est quoi? C'est du bluff alors? Parce que ça a quand même contribué. De Gaulle, il a acheté, enfin, à part justement, on va dire, enfin, à part, jusqu'au moment où la France, elle se vassalise complètement, en fait, aux États-Unis. De Gaulle, c'est un peu quand même la parenthèse où on a l'impression que la France, elle existe encore, non? Non, mais je crois que c'était une illusion parce que sa politique intérieure était tout à fait nocive, hein, y compris parce qu'il a laissé l'école et les médias et la culture à la gauche, notamment avec Malraux, les maisons de la culture, etc. C'est-à-dire qu'il considérait qu'au fond, à partir du moment où la droite avait le pouvoir politique et économique, ou la droite, tout ce qui en tient lieu, c'était l'essentiel. Mais c'était un mauvais calcul, parce que finalement, très vite, la gauche a conquis les esprits et finalement est arrivée au pouvoir, y compris au pouvoir politique. Hein. Et ben, elle ne l'a jamais lâché depuis dans les faits, et le pouvoir culturel encore moins. Bon. Donc non, non, c'était un esprit finalement. Assez petit, hein, finalement. Disons, il a été très habile, très politique, très habile pour sa carrière personnelle. Ça, incontestablement. Et c'est vrai que, bon, il y a eu une part de chance en 40, mais c'est vrai que, bon, bah, il a, sur le plan, je dirais, de son intuition, de sa carrière, etc., il a vu juste par rapport à ses intérêts. Ça, c'est incontestable. Mais en revanche, par rapport aux intérêts de la France, non, je suis beaucoup plus critique. Je ne vois pas qu'il ait mené une politique qui soit positive dans aucun domaine. Parce que, même sa politique d'indépendance nationale, en soi, c'est une bonne chose de vouloir indépendance nationale, mais elle n'était pas appuyée sur une politique intérieure nationale. Il s'était mis à dos des gens qui auraient pu le soutenir, comme que ce soit les Français d'Algérie, les pétainistes, des gens ou la droite catholique, etc., authentique. Et d'autre part, finalement, l'essentiel de sa politique, non, je pense que c'était une politique en politique intérieure qui était quand même très nocive, je pense, puisque c'est sous sa direction qu'a commencé la destruction de la famille, la destruction de l'école catholique quand même, parce que l'école sous contrat avec Michel Debré, enfin, il a quand même fait quand même Michel Debré, c'est un petit-fils de rabbin quand même, hein, je veux dire, il choisit comme premier ministre de la France un petit-fils de rabbin. La constitution de la Ve République, c'est une constitution laïque. Okay, donc il refuse vraiment le Christ roi, et même je dirais les racines chrétiennes de la France. Donc on dit que c'est un catholique rallié de Gaulle. Je crois d'ailleurs qu'on dit qu'il communiait même pas la messe, etc. En tant que chef d'État. Tout ça est pathétique, quoi. Pathétique. Hein. Donc non. Enfin moi je vous dis franchement, je suis dans l'antigaullisme primaire, secondaire, technique, supérieur, viscéral. Non. Et que toute la classe politique maintenant, de Marine Le Pen à Dupont-Aignan, à Bah, tout le monde lui Sinot, rend hommage, enfin, hommage, pas tout le monde est une. gaulliste, même des communistes et tout ça, bah, je trouve ça consternant, quoi, consternant. Asselineau aussi, Asselineau, enfin, Ah, tous ces bah, Asselineau, il dictateurs, adore De entre, Gaulle, voilà, ouais. c'est ça, bon, ben, moi, je pourrais jamais voter pour des gaullistes, hein, je vais tout de suite. Ah, oui, c'est vraiment une... Et d'ailleurs, tiens, ça me fait envie de faire une transition en évoquant Asselineau, parce que l'Europe. Alors, De Oui. Gaulle, lui, il était. Bon, sur l'Europe, il y a encore des débats, parce qu'il y en a qui disent qu'il était contre, il y en a qui disent qu'il était pour. Ben, disons que c'est ambigu, là encore, parce que finalement, c'est quand même la CEE. Écrit en 1957, il n'était pas encore au pouvoir. Non. Enfin, lorsqu'il y est arrivé jusqu'à sa démission en avril 69, la France est restée comme dans la CE. Bah, Alors, selon la version de François Asselineau, spécialiste de Gaulle, oui. il dit que c'est parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée que c'était difficile pour lui de Bon, tout enfin, non, de enfin, bazarder le traité de je sais pas, Rome, parce quoi, qu'on a, enfin, non, on a quand même parlé des godillots gaullistes, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à partir de 62, en quoi. 62 et en 67, 68, quoi. La majorité massive, qu'on ne dise pas qu'il pouvait pas, avec des godillots qui lui étaient complètement soumis, pardon, qu'on ne dise pas qu'il pouvait pas sortir de ce qui s'appelait autrefois la La CE, pas encore l'Union CE, européenne. Bon, je veux dire, ça n'a pas de sens de dire ça. Non, moi, il a quand même accepté le principe. Bon, alors, il y a quelques gestes théâtraux. De toute façon, De Gaulle, c'est que du théâtre, hein, je veux dire, c'est de la comédie. Donc, il y a eu le chef de la politique vide à un moment donné. Là, bon, Oui. voilà, mais finalement, tout ça, je veux dire, c'est du théâtre, tout ça, je veux dire. Mais fondamentalement, quand on regarde les actes concrets, on est quand même resté dans le cadre de cette Union européenne détestable, alors qu'il lui fallut en sortir. De toute façon, je suis de ceux qui pensent, là encore, je sais que je ne ferai pas que des amis en disant ça, mais je ne crois pas personnellement que la vocation de la France soit essentiellement de mener une politique en Europe. Elle doit le faire forcément puisque bon, elle est en Europe, mais elle est quand même dans une situation géographique particulière. C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est normal qu'elle ait une, puisqu'elle a une position centrale en Europe. Mais du fait de la position géographique et géostratégique de la France, il semble que la vocation de la France, c'est plutôt de poser des ponts avec les autres continents, les autres peuples et tout ça. C'est pour ça que je pense que vraiment la France était particulièrement apte à l'empire colonial, à une puissance coloniale, etc. Et compris, moi, je suis tout à fait pour qu'elle garde ses possessions ultramarines, quoi. Je veux dire, bon, parce que même sur un plan maritime, ça lui donne toute une série de droits, d'avantages, etc. Et je pense vraiment que la France et la qualité justement de l'âme française, c'est précisément justement de porter la civilisation, l'évangile traditionnellement aux autres peuples, quoi, y compris les plus éloignés. Et je trouve que c'est sa beauté, sa grandeur, me semble-t-il. Bon. Et donc, tous les grands personnages de France ont toujours essayé justement d'avoir une politique impériale, en mon sens du terme, si vous voulez. Ouais. Et donc, moi, je crois beaucoup plus à ça et que ce serait rétrécir comme ça en Europe, etc. À mon avis, ça me paraît une vision complètement limitée et en plus même sotte parce que fondamentalement aujourd'hui en plus à l'heure du village planétaire qu'est-ce que c'est que l'Europe par rapport au monde entier et je pense que la France doit parler au monde elle a une spécificité par sa langue par sa culture par son prestige par son passé etc. et donc elle ne peut pas me semble-t-il uniquement rester dans le cadre De l'Union européenne. De l'Union Bah, là, vous européenne. êtes d'accord avec François Asselineau, là, sur ce point-là, en tout cas. Parce Oui, que. bah, je dis pas qu'il dit que des bêtises. Lui, au moins, à la différence de Marine Le Pen, il connaît ses dossiers, techniquement. Ah, On peut bah, il était. pas. Ah, bah, ça aussi, On peut vous étiez pas. d'accord. Vous voyez, ça fait 2 points d'accord avec Voilà. François Asselineau. Ça, on peut pas. On peut. Il est que Non. ça que Marine Le Pen, autant que vous, au moins. Oui. Ça, au Oui. moins. C'est pour ça qu'il lui sera beaucoup pardonné. Parce qu'il a beaucoup détesté. Non, mais c'est vrai. Effectivement, il a raison de. Bah, je crois qu'il a compris qui elle était, quoi, et ce qu'elle valait. Bon, je pense que quelqu'un qui a un minimum de calibre et qui est honnête, il le voit. Évidemment, les gens qui sont dépendants de Marine Le Pen, qui en dépendent financièrement, qui sont en fait ses esclaves, finalement, bon, évidemment, ils ne peuvent pas dire la vérité. Mais si vous êtes extérieur et que vous regardez les choses objectivement, qu'est-ce que vous voulez quand vous voyez ce débat pendant 2 heures et demie? Je veux dire, moi je vous dis franchement, hein, je veux dire, si un de mes fils me ramenait une poissonnière comme Marine Le Pen, je lui dis, ta poissonnière, elle prend la porte, hein, c'est tout, j'en veux pas, moi. Je veux dire, ah non, il y a des limites, hein, je veux dire. Je veux bien être gentil, je veux bien être ouvert, mais il y a quand même des limites. Il y a une question de bon goût, quoi, de bon sens, quand même, faut exagérer. Une vulgarité insupportable. Mais elle a dit à un moment donné à Macron, prenez un verre d'eau, etc. Ça vous fera du bien, etc. C'est insupportable, c'est abominable, ce genre de. Elle est pas éduquée. Hein. Oui, mais ça plaît un petit peu. C'est pas aussi un peu son succès, justement, ce Oui, bah côté un peu c'est. Oui, bah populaire. ça plaît peut-être à un bon moment, mais il n'y a pas qu'un bon moment en France, quand Parce que même. Hein. Marine Le Pen, c'est vrai qu'on lui reproche de s'exprimer comme une poissonnière, que vous dites si Ça bien. plaît à. Mais ça Ça peut. plaît, ça plaît Ça aussi. plaît à outro peut-être, mais ça plaît pas partout. Ah là, vous êtes d'être méchant avec ce doutreau. Donc justement, pour la sortie de l'Union européenne, donc ça, vous souscrivez en tout cas à cette idée, il faut sortir de l'Union européenne. Oui, tout à fait, oui. Ça, je pense. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense que Philippot, pour lequel, comme vous l'imaginez, je n'ai aucune sympathie, J'imagine. certaines mauvaises langues les appelaient les gestapettes, mais en réalité, je trouve que c'est leur faire trop d'honneur, même encore, si j'ose dire, Êtes vraiment d'utiliser méchant. cette sobriété. Bon, bref. Non, enfin, faut aussi qu'il y ait un peu de polémique, hein, sinon, je veux dire, sinon les gens vont zapper. Bon. Bon. Mais en l'occurrence, s'agissant de Philippot, il y a un point sur lequel je lui donne raison. Et je pense que chez lui, sur ce point-là, il y a une vraie sincérité. Je lui reconnais, il faut toujours être honnête intellectuellement. Même avec des adversaires politiques, il faut toujours dire la vérité. Et je pense fondamentalement que, honnêtement, il est évident que c'est mentir aux gens de dire qu'on peut maîtriser l'immigration, qu'on peut retrouver une indépendance, une souveraineté nationale dans quelques domaines que ce soit, sans sortir de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui décide de tout, à travers notamment, bon, bien sûr, la Commission de Bruxelles, 80% des lois et des règlements, mais également, et on ne le dit pas assez, à travers la Cour de justice des La Communautés Cour de européennes justice européenne, et la Cour tout à européenne des fait. droits de l'homme, je veux Ouais. dire, Et la qui Cour impose européenne les des droits de l'homme. migrants, qui impose toute une série de législations, y compris d'ailleurs sur les transsexuels, parce que faut quand même pas oublier quand même le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, etc., qui dans les années 80 votait des résolutions sur les droits, je cite, des transsexuels, et des choses comme Oui, ça. On se disait que finalement, ça n'était que quelques excités gauchistes, verdâtres, écolo-gauchistes d'Allemagne ou de pays scandinaves, et en fait, on s'aperçoit que finalement, ben, ces lois scélérates, et bien, petit à petit et assez rapidement, finalement, elles sont entrées dans la législation de tous les pays membres, quasiment, hein, tous les États Oui, membres, tout à y fait, compris en tout à fait, France, hein. tout à Donc, fait, ce qui tout pouvait à apparaître fait. comme quelque chose de marginal, fantaisiste, voire d'anecdotique, en fait, c'est avéré être quelque chose de massif, d'important, et c'est l'Union européenne qui a porté tout ça, hein, voilà. Donc, moi, l'Union européenne, que ce soit sur l'avortement, que ce soit donc sur le droit sur ce qu'on appelle le lobby LGBT, hein, que ce soit donc sur les migrants, n'a, me semble-t-il, dans tous les domaines, qu'un rôle complètement mortifère, qui est un rôle de destruction de la nation, de la morale, de la civilisation, des creux intermédiaires. Et donc, il serait temps qu'il faut sortir de cette prison des peuples, c'est évident. Donc, alors qu'électoralement, peut-être, ce ne soit pas très porteur, la sortie de l'Union européenne et de l'euro, forcément, parce que il est évident que, et ça, c'est aussi un des problèmes, si vous voulez, de la voie électorale. C'est pour ça qu'en soi, moi, dans l'absolu, je serais plutôt pour une monarchie. Mais condition que ce soit vraiment un roi très chrétien et qui ait vraiment le pouvoir. Parce que je veux dire, bon, qui était élevé pour ça dès l'enfance, quoi, etc. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous mettez aux voix un certain nombre de choses, bah, par exemple, s'agissant de l'euro, les gens qui ont de l'épargne, les possédants, et je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est tout à fait légitime, même si on a travaillé sa vie ou même si on a eu un héritage, bon, ça n'a rien d'illégitime, bon, d'avoir des biens. Bah, il est évident que des gens qui ont des biens, et moi je le vois trop de moi, bon ben forcément ils se disent avec la sortie de l'euro, est-ce qu'on va pas Oui, perdre ils beaucoup? s'inquiètent, oui, Ça c'est doit... vrai. Et ça a joué, ça c'est évident, ça a joué d'ailleurs contre Marine Le Pen notamment, etc. Et Complètement, ça joue contre les gens qui sont pour une position claire, radicale sur la question de l'euro et de l'Union européenne, c'est évident. Et ça, si vous voulez, vous avez quand même plus de gens qui ont quelque chose à perdre que des choses qui n'ont rien à perdre dans une société. On n'est pas encore dans une situation à ce point dégradée, vous avez l'immense majorité des gens qui n'ont rien à perdre. Hein. On n'est pas dans une situation à ce point révolutionnaire encore. Bon, aujourd'hui, donc il est évident, mécaniquement, électoralement, d'autant plus qu'il faut savoir que ce sont souvent les gens âgés qui votent plus que les plus jeunes en général, et que ce sont plus les possédants qui votent plus que les gens, comment dirais-je, un peu moins intégrés socialement, si j'ose dire, bah, il est évident que mécaniquement, vous avez des majorités en faveur du statu quo. De la même façon que quelqu'un qui est âgé, et encore une fois, ça n'est pas une critique de ma part, hein, on finira tous âgés, hein, sauf si on meurt jeune, bon. Mais il est évident que quelqu'un qui est âgé, c'est tout à fait compréhensible, voit le court terme. Donc, il ne va pas faire des choix politiques, si vous voulez, à l'échelle de 20 ans, 30 ans. Certes, il peut penser à ses petits-enfants, etc. Mais il aura quand même tendance, assez logiquement, et de manière assez compréhensible, si vous voulez, à voir le très court terme, se dire, moi, j'ai quelques années à vivre. Donc, finalement, il ne sera pas porté vers des choix radicaux, révolutionnaires. Il sera plutôt porté vers un choix de tranquillité, de paix, Quelqu'un qui voilà. rassure en plus, ça Voilà, arrive à un quelqu'un qui certain rassure, etc. âge. Donc, il est évident que quand vous avez, par exemple, en France, et ça de. Des démographes comme Boursier de Carbon ou Naguère, Jacques Dupatie l'expliquait très bien, dans la mesure où vous avez une courbe démographique qui est telle en France que c'est plus les gens âgés, ce qu'on appelle les seniors maintenant, etc., qui sont beaucoup plus importants socialement et même en nombre que les plus jeunes, bah, mécaniquement, ça amène des choix conservateurs. Enfin, de conservateurs dans le mauvais sens du terme, de conserver la situation présente, hein, pas conservateur au sens conservateur des mœurs. Bon. Et donc, évidemment, le fait que par exemple la démographie soit si faible aujourd'hui, qu'il n'y ait même pas un renouvellement des générations, ça a même des effets, je dirais, politiques et électoraux assez nets. Parce qu'il est évident que des gens qui ont 50, 60, 70, 80 ans, ils n'ont pas intérêt a priori, sauf à être vraiment marginalisés socialement, ils n'ont pas intérêt à ce que les choses changent radicalement. Vous voyez, c'est facile à Non, mais comprendre, je ça, voilà. comprends. En gros, C'est ça. aujourd'hui, un jeune, C'est on va dire, ça. il vote France Parce Insoumise que ou Front National, mais lui, il voilà, votera pas les gens, si vous voulez, ils votent quand même Macron. pour leurs intérêts ou ce qu'ils croient être leurs intérêts, quoi. Bon, parce que en plus maintenant, malheureusement, le sens du bien commun, de l'intérêt général, les gens l'ont essentiellement perdu parce que les hommes politiques eux-mêmes ne l'ont pas. Par conséquent, autrefois, il y avait quand même malgré tout des débats idéologiques, il y avait quand même quelques grandes idées, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, quoi. Bon, hein, c'est vraiment du consumérisme. Et donc, de ce point de vue-là, à partir du moment où vous avez des choix qui sont radicaux, vous ne pouvez pas avoir une majorité des gens. C'est pour ça d'ailleurs que Macron, je dirais que c'est le profil idéal pour gagner. Parce qu'il a une position centriste, centrale, qui va du centre-gauche au centre-droit. Il réunit d'ailleurs sur son nom à la fois la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche. Et pour obtenir une majorité absolue du suffrage exprimé au second tour des élections, dans le cadre d'un scrutin majoritaire à deux tours, c'est le profil idéal parce que finalement, il ne se met pas à dos une majorité des gens. Tout Il à n'y a fait. que quelques extrémités de l'échiquier politique à droite et à gauche, mais ça ne fait pas une majorité. Et c'est pour ça qu'il arrive à deux tiers un tiers. Ce que d'ailleurs Valéry Giscard Giscard d'Estaing, lorsqu'il était président de la République, avait théorisé dans un livre intitulé « Deux Français sur trois ». C'est-à-dire que son idée, c'était de rassembler ce qu'il estimait ce grand corps central, en quelque sorte, en France, qu'on pourrait considérer comme les gagnants de la mondialisation, oui. Même si aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est comme les deux tiers des Français et assimilés qui soient les gagnants de la mondialisation. Mais enfin, il y a quand même deux tiers des gens, on l'a vu en cours d'élection, qui grosso modo sont plutôt comme pour des solutions de relatif statu quo. Quoi. Voilà. Et puis le fait que Macron aussi, justement, ce positionnement particulier où il a fait un espèce de syncrétisme de centre-droit, centre-gauche, son opposition, elle, en face, c'est Front National, France Insoumise, qui, elle, divisée, elle est divisée. Du coup, il n'y a pas d'opposition, en fait, puisque c'est deux pôles d'opposition qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc, c'est parfait pour lui. C'est parfait, c'est idéal. Je l'ai souvent écrit dans mes éditoriales dans Rivarol, c'est que, pour lui, c'est idéal avoir Mélenchon ou mieux encore Marine Le Pen, il est sûr d'être élu, et même élu confortablement. Et pour lui, c'est idéal. C'est ça qu'il a intérêt à ce que le Parti Socialiste soit faible et que les Républicains soient faibles. Tout à fait. Pour l'instant, il réussit parfaitement. Et donc, parce qu'il n'y aura jamais d'alliance France Insoumise, Front National. Donc, c'est parfait. C'est pourquoi, personnellement, contrairement à certains de mes amis qui pensent que Macron a intérêt à ce que Marine Le Pen soit inéligible ou François Hollande, moi je ne le crois pas. Je crois au contraire, à l'intérêt, on en voit beaucoup dans les médias, tout ça, une Marine Le Pen autour de 20-25%, c'est idéal, quoi, je veux dire, parce qu'elle est qualifiée au deuxième tour, mais elle est bloquée de toute façon. Elle ne pourra jamais passer la barre des 50, donc il est sûr d'être élu, et ça peut durer longtemps. Et même Mélenchon, il pourrait peut-être faire sans doute plus parce qu'il est moins diabolisé, et parce que l'extrême gauche dure moins que la droite dite radicale, même si, près de droite radicale pour Marine Le Pen, il y aurait beaucoup à dire, mais enfin bon, au moins en apparence, eh bien, il est évident que c'est une réélection, je dirais, mécanique, quoi, en quelque sorte. C'est une machine à faire réélire le président de la République, ce système-là. Donc c'est vrai que pour lui, c'est idéal. Et je pense personnellement que c'est un choix qui est calculé, hein, qui est machiavélique, qui est habile, qui était, bon, alors Mitterrand avait déjà eu un choix un peu analogue à ceci près que lui. L'idée, c'était de diviser les droites pour faire en sorte que la gauche, essentiellement le Parti Socialiste et ses alliés radicaux et communistes, l'emportent. Oui. Bon, mais ça a pas mal fonctionné, d'ailleurs, il faut le dire. Bon, surtout dans le cadre d'un scrutin proportionnel, même dans le scrutin majoritaire à deux tours. Bon. Eh bien, là, en l'occurrence, s'agissant donc de la situation politique actuelle, oui, pour Macron, c'est tout à fait idéal. Et donc, il n'y a aucun intérêt à ce que Wauquiez à droite ou le premier secrétaire du Parti Socialiste ou quelqu'un de centre-gauche fasse un gros score. Il a intérêt à ce qu'il soit en dessous de 10 et que ce soit plutôt Mélenchon et Marine Le Pen qui soient autour de 20, 18, 20, 25 au deuxième tour. Et comme en plus, ils se détestent et que leurs électorats, pour l'essentiel, ne sont pas compatibles, il est évident que mécaniquement, il peut l'emporter assez aisément au deuxième tour. Surtout que cette incompatibilité en plus entre ceux qui soutiennent France Insoumise, ceux qui soutiennent le Front National, ça tient juste au problème de l'immigration, parce que finalement sur le reste ils sont d'accord plus ou moins sur. Quand je veux dire, si on prend dans le programme du Front National, le programme de Mélenchon, enfin le programme Front National évidemment en version Marine Le Pen, ça se ressemble beaucoup. Sur pas mal d'aspects. Alors, au niveau du programme, notamment sur les questions économiques et sociales, c'était ce que vous dites est exact. Je suis peu dubitatif concernant les électorats, parce que l'électorat de Mélenchon, vous avez deux types d'électorats, me semble-t-il. Bon, pour résumer, hein, parce que les choses sont toujours plus complexes, évidemment. Mais je pense que vous avez deux types d'électorats. Vous avez quand même l'électorat, je dirais, immigré, en quelque sorte, puisqu'on l'a vu notamment dans le 9-3. Il a fait des scores considérables. Hein. D'ailleurs, l'essentiel de ses députés, c'est quand même dans le 9-3. Oui, tout à fait. Donc je pense que quand même son électorat, c'est quand même en grande partie un électorat immigré qui n'est donc pas compatible pour l'essentiel avec même dans sa quasi-totalité avec l'électorat FN évidemment. Bon, donc ça c'est le premier point. Et son deuxième électorat, c'est un électorat bobo. C'est un électorat de gauche bobo, mais qui va un petit peu s'encanailler en votant Mélenchon. Voilà, qui pense un petit peu à se faire plaisir, en quelque sorte. Voilà, mais qui a un certain statut social. Il y a une bourgeoisie, les bobos, quoi, en quelque sorte. Voilà. Il y a une partie des bobos qui votent Macron, mais il y a une partie des bobos jouant une forme d'anticonformisme très relatif et très apparent, etc. Voilà, donc vous avez ça. C'est un peu ces deux électorats. Je ne vois pas, sincèrement, que ces deux électorats soient compatibles pour l'essentiel avec l'électorat FN. Je ne vois pas. Donc au niveau des programmes, je rejoins, mais au niveau des électorats, de la sociologie des électorats, et même de leur vision du monde, de leur conception du monde, de leur ressenti, je ne vois pas qu'il y ait de possibilité de fusion ou de jonction, sauf de manière aux marges, quoi, sauf de manière marginale, mais je ne pense pas. Donc vraiment, les choses sont bien faites, les choses me restent bloquées. Il y a vraiment un blocage du système politique, mais d'ailleurs, moi, je suis frappé de voir que, voilà maintenant une trentaine d'années que je m'intéresse de près à la vie politique, et moi, je constate que plus on avance, plus la situation me paraît bloquée dans tous les domaines. Elle est bloquée sur le plan religieux, elle est bloquée sur le plan politique, et en plus j'ai l'impression que comme les gens veulent faire carrière, donc faut surtout pas faire de vagues pour faire carrière, bah, ça perpétue, si vous voulez, des immobilismes et une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, par exemple, je pense honnêtement que quand je mourrai, je ne sais pas quel âge, je pense que la religion de la Shoah sera toujours en place. Je serai très surpris. Je pense que l'État d'Israël sera toujours en place. Alors que ce sera un des plus grands bonheurs de ma vie si on voyait la destruction, je vous le dis franchement. Ce serait bon. Mais je ne pense pas que j'aurai ce bonheur là. Bon, voilà. C'est votre pensée. Justement, vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure aussi la monarchie et la chrétienté. C'est une idée qui revient en force parce qu'on parle de la recristianisation des Français. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de l'Église conciliaire qui, elle, est plutôt quand même du côté du système du manche parce Ben, que. je vous remercie d'utiliser le terme d'église conciliaire et non d'église catholique, parce qu'effectivement, je pense que c'est un des éléments fondamentaux de la difficulté à laquelle on doit faire face aujourd'hui. C'est que si vous aviez 1 milliard de catholiques qui résistaient au mondialisme, qui résistaient à la décadence des mœurs, à l'inversion des mœurs, à l'idéologie dominante, ce serait une force considérable. Or, il est évident que les postes d'autorité ou ce qui en tient lieu ayant été. Occuper les postes de commandement par des usurpateurs moderniste, hein, des intrus, des gens qui n'ont pas ni qui ne défendent ni la doctrine ni la morale catholique, hein, il n'y a qu'à voir Bergoglio, hein, il suffit de le lire et de l'écouter. Eh bien, il est évident que c'est un élément de destruction, puisqu'ils font le jeu objectivement de la synagogue, le jeu du mondialisme, par leurs déclarations et leurs actes publics. C'est évident, puisque Bergoglio, c'est l'apologie des migrants, y compris mahométans, c'est l'apologie des gays, qui suit pour juger les gays, il a été dire des messes, enfin, ce qui en tient lieu, des synaxes avec des prêtres ouvertement homosexualistes, pour le mariage homosexuel. Il est allé voir carrément des organisations homosexualistes de manière publique, homosexualistes, carrément du lobby LGBT, en disant le plus grand bien, ce qui est un acte quand même fort. Quoi, hein, je veux dire, très, très significatif, et donc il est évident que par cette attitude-là, il favorise l'apostasie générale, il favorise la perte de la foi, la perte des repères, une confusion générale et la déchristianisation. Parce que si vous voulez, dans l'Église conciliaire, vous avez à la fois une désacralisation du culte, de la liturgie, des ornements sacerdotaux, de tout ce qui constitue le culte et la vie catholique, je dirais, mais également la destruction systématique, méthodique de la doctrine et de la morale chrétienne. On le voit très bien maintenant avec l'indissolubilité du mariage qui est mise en cause, avec la communion pour les divorcés remariés, avec le fait que finalement maintenant, je veux dire, on peut annuler son mariage sans aucune raison valable et se remarier à l'église, etc. Enfin, je veux dire, ce qui est monstrueux. Bon. Et donc, je rappelle quand même que l'Église catholique était quand même, sauf erreur de ma part, la seule religion qui prenait de manière, qui prône toujours dans l'absolu, de manière stricte, l'indissolubilité du mariage. C'est-à-dire être marié, que le même homme soit marié avec un seul et même homme, soit marié avec la seule et même femme jusqu'à leur mort, quoi. Ouais. Et parce que par exemple, chez les orthodoxes, les systématiques orientaux, on peut se marier 3 fois. Hein, je veux dire, chez les protestants, on peut se marier plusieurs fois également. Hein. Et donc, c'est vraiment une spécificité de ce point de vue-là, vraiment qui, à mon avis, c'est un des signes parmi d'autres d'ailleurs Mais de la vérité de la est-ce que religion. c'est pas le lot de la vie moderne, tout ça, au fait de se marier plusieurs fois, Bah, les principes sont les principes, si vous voulez. Est-ce que Et ça moi, va si être vous voulez, quand je dis oui à l'Église, à mon épouse, c'est pour la vie. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Sinon, on n'est pas, c'est pas un CDD, si vous voulez, le mariage. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir rompre au bout de quelques mois ou de quelques années. Quand on s'engage, on s'engage. Et Non, mais des fois, on se trompe même, non? on peut se tromper, mais dans ce cas-là, c'est de sa faute. On en tire les conséquences. Mais il faut penser en plus quand il y a des enfants, c'est dramatique, parce qu'il y a toujours des souffrances psychologiques. Tout Quand à c'est le fait, cas, tout à fait. les enfants, ils comprennent pas. Quoi. Je veux dire, ils ont un père, une mère. Et c'est vrai que la vie moderne rend les choses plus compliquées. L'allongement de la durée de la vie rend les choses plus compliquées. L'exiguïté, notamment dans certaines villes, etc., des appartements rend les choses plus difficiles. La généralisation du travail féminin Ça aussi, également, ça fait c'est un partie. élément considérable, effectivement, d'affaiblissement de la famille. Et évidemment, Parce qu'en plus, les même réseaux si. sociaux qui favorisent aussi l'infidélité. Tout à Quand on fait. pense que dans le métro, le pouvoir public laisse une apologie explicite de l'infidélité conjugale, enfin, je veux Même dire, des sites c'est qui l'Occident, et l'encouragent, des sites qui donc. l'encouragent de manière explicite. Enfin, je veux dire, c'est un gouvernement qui défendrait le bien public, le bien commun, interdirait évidemment tous ces sites, interdirait ce genre d'affiches, et même prendrait des sanctions immédiates et fermes contre ceux qui promeuvent ce genre de comportement qui détruisent l'ordre social, l'ordre moral, et qui détruisent les familles. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance après avec tout ça, hein. Beaucoup de malheurs, souvent silencieux d'ailleurs, mais bien réels, hein. Des problèmes évidemment scolaires, mais des problèmes problèmes psychologiques, voire psychiatriques, chez les enfants qui sont perturbés, dont certains d'ailleurs ne se remettent jamais. D'ailleurs, moi, je dois dire que tous les gens que j'ai connus, tous les enfants que j'ai connus qui étaient issus de parents, soit qui ont divorcé, soit qui se sont séparés, alors évidemment, il y en a qui en sortent toujours mieux que d'autres, hein. Il n'y a pas d'égalité des situations des êtres humains, mais enfin, lorsque je parlais avec eux, quand on faisait des confidences, ils m'ont toujours dit quand même qu'il y avait toujours quand même une faille chez eux, et une cicatrice, une fêlure par rapport à ça. Même quand peut-être on ne se rend pas compte immédiatement, il y a quand même toujours une fragilité, il y a toujours quand même des conséquences. Et donc, il est évident que la destruction de l'institution familiale est un élément considérable, me semble-t-il, de l'affaiblissement de la nation, parce que, qu'on le veuille ou non, qu'est-ce qui reste dans la vie quand un homme, quand il a construit sa vie, c'est quand même ses enfants, sa famille, etc. Et un homme ne peut obtenir son épanouissement personnel, certes il y a le travail, mais je dirais, avant même le travail, c'est quand même la famille, quoi. Je veux dire, c'est quand même une femme et des enfants. Mmh. C'est là que se construit, non seulement les vertus domestiques, les vertus chrétiennes, mais également le bonheur familial, la bonne entente, la joie. Alors bien sûr, il y a aussi des épreuves, forcément, mais enfin, c'est ça l'essentiel, si vous voulez. Sinon, si on n'a pas une famille stable, on est un astre errant. Et un astre errant ne peut pas, en général, produire de bons fruits. En tout cas, il y aura toujours chez lui une fêlure, une faiblesse. Alors qu'une famille stable, et avec des enfants, et notamment une famille nombreuse, je pense quand même que ça vous oblige quand même à être moins égoïste, moins individualiste. Ça vous oblige quand même à, sauf être totalement irresponsable, ça vous oblige quand même à un minimum d'effort, quoi. Bon, voilà, et de maîtrise de soi. Donc je pense que de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et voyez, on parle souvent de l'immigration dans nos milieux, mais moi je constate quand même que, même dans ce qu'on appelle l'extrême droite, sauf dans les milieux catholiques traditionnalistes, il n'y a quand même pas, ou quasiment pas, de familles nombreuses. Bon. Et c'est quand même anormal, parce que comment peut-on défendre la race blanche, la civilisation européenne, simplement son pays, quoi, etc., et la perpétuation de ce que l'on est, si on ne fait pas d'enfants. Parce que moi, je ne reprocherai jamais à d'autres ethnies, à d'autres races de faire des enfants. À la limite, s'ils sont plus prolifiques, s'ils sont moins décadents, somme toute, c'est normal, c'est légitime. Quoi de plus naturel que de faire des enfants? Moi, je ne reproche jamais d'en faire. C'est naturel et c'est légitime. Ce qu'on peut reprocher, en revanche, à beaucoup de blancs, c'est de ne pas en faire. Mais il est vrai que tout est fait pour qu'ils n'en fassent pas aussi. Hein. Par la contraception de masse, l'avortement de masse, par une politique qui ne favorise pas du tout la famille. Donc, bien sûr, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme... Enfin, moi, je dis ça des échanges que j'ai eus parfois avec des gens qui étaient d'origine africaine et qui s'étonnaient justement de ce que vous venez d'expliquer sur les Européens, en se disant, mais nous, en Afrique, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, mais si, par exemple, il y a un enfant qui est abandonné, on va le prendre, il n'y a même pas besoin d'orphelinat, d'ailleurs, on va le récupérer dans la famille. Et ils s'étonnaient qu'en Europe, quelqu'un, il hésitera, au contraire, ouais, est-ce que je vais prendre un enfant, etc. Il dit, mais vous avez beaucoup plus de moyens que nous, est-ce que c'est l'égoïsme qui l'individualisme? Oui, je pense qu'il y a l'individualisme, l'hédonisme. Il est certain que quand on a des enfants, on s'aperçoit effectivement que souvent les gens en font deux, souvent un garçon et une fille, c'est le modèle américain, le choix du roi, etc. Bon, et après ils se disent, bon, il y a quelque chose d'un peu difficile avec les couches, etc. Puis après on pourra repartir au sport d'hiver, on pourra voyager, on pourra... Voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'égoïsme souvent, etc. Parce qu'en général, hormis quelques cas où il y a vraiment une pauvreté telle que ce serait déraisonnable de faire un autre enfant, ça peut arriver, il y a des cas qui sont réels, mais c'est quand même très rare aujourd'hui, parce que vous avez quand même des allocations, vous avez des aides, tout ça. Moi je ne vois pas dans la plupart des cas que ce soit justifié de n'avoir qu'un ou deux enfants, hein, sauf pour des raisons médicales graves ou autres, quoi. Mais je veux dire, bon, et donc le plus souvent, où je pense qu'il y a comme une forme d'égoïsme, je pense. Bon, alors c'est vrai aussi, bon, si parfois vous avez un couple qui marche mal, on peut comprendre qu'il y a une hésitation, parce que l'enfant, en travers ce qu'on pense, éprouve le couple. Il ne le doute pas forcément, il l'éprouve, hein, parce que souvent, à travers l'enfant, on voit ses propres défauts, ses propres limites, on voit aussi les défauts de l'autre, forcément. Bon, et donc, ça n'est pas toujours simple. Bon, dans l'éducation de l'enfant, ça n'est pas quelque chose de facile. Moi je ne vois pas personnellement d'autres solutions, tant sur un plan spirituel que politique, que les familles nombreuses. Des familles nombreuses joyeuses. Parce qu'il ne s'agit pas d'être des catholiques compassés, je veux dire. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la fantaisie, il faut qu'il y ait de la bonne humeur. Bien sûr, il doit y avoir un minimum de discipline, il ne faut pas que ce soit militaire non plus. Moi j'aime les familles où il y a quand même, où il y a de la joie de vivre, où il y a de la fantaisie, où l'on chante beaucoup. Ouais, on est dans un monde où on ne prie plus et on ne chante plus. Et je pense que le chant chanter, c'est deux fois prier, dit saint Augustin. Je pense que le chant, notamment le chant en commun, la prière en commun, le chant en commun, je crois que c'est magnifique. Et les enfants, en général, moi je vois en général les enfants, c'est rare qu'ils soient rétifs à la prière au chant. Ça peut arriver quand ils sont adolescents, si on les a pas amenés à ça ou si on les a dégoûtés avec ça. Mais je pense sincèrement que si c'est fait avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sincérité, beaucoup de conviction, c'est quelque chose, je crois, de magnifique. Et puis ça donne un cadre, si vous voulez, ça donne des repères. Parce que finalement, je veux dire, essayer de corriger ses défauts, par amour pour le bon Dieu, par amour pour la Sainte Vierge, par volonté de s'améliorer, de s'amender, corriger ses penchants vicieux, etc. Essayer d'être aimable avec autrui, avec ses frères et sœurs, quand ils sont trop désagréables, bah, je trouve que c'est quelque chose qui est magnifique, quoi. Je veux dire, alors c'est difficile, hein, parce qu'on a tous en soi le péché originel, mais je veux dire, bon, voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, je vous dis franchement, rien de plus sublime que la morale de la doctrine chrétienne. Donc, tous les gens qui vont sortir de là, je veux dire, bon, bah, grand bien leur fasse, mais Mais il y a moi des... personnellement, je reste fidèle, en tous les cas, franchement, à cet enseignement. Enfin, bien sûr, hein, tous nos imperfections, nos défauts et tout ça, mais moi je crois vraiment personnellement que il n'y a pas mieux, quoi. Je veux dire, on a rien trouvé mieux, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, regardez ce qu'a été la chrétienté, ce qu'a été cette une aventure formidable. Donc, et tout le reste me paraît vraiment de l'imposture. Et qu'est-ce que vous répondriez alors à ceux qui, comme j'en ai reçu plusieurs, par exemple, j'avais reçu Daniel Conversano il n'y a pas très Oui, que longtemps. je connais bien. Oui. Voilà, et ben Qui m'avait reçu d'ailleurs une fois dans son émission, Tout Vive à fait, l'Europe. tout à fait. Et il était extrêmement critique justement sur sa position de l'Église catholique, qui d'ailleurs, à ce qu'il a, il a, ça a provoqué des remous, j'ai vu le lendemain sur les réseaux sociaux, son apparition ici, où lui dit, il faut que, voilà, il dit les chrétiens, en gros, je vais résumer caricaturalement son propos, mais en gros, bon bah, ils nous embêtent, ils nous empêchent d'avancer dans notre combat parce que, objectivement, leur combat. Aujourd'hui, ce que représente l'Église catholique, ce sont des ennemis. Donc on s'embarrasse. Alors d'abord, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre la contre-église conciliaire et la contre-église œcuménique de Voilà. Vatican II et l'Église C'est catholique. pour Hein. C'en est une, c'est une, c'est pas simplement une caricature, c'est une ça. contrefaçon. Hein. C'est une fausse église, une contre-église. Hein. On peut le prouver. Hein. Il y a beaucoup de livres et d'articles d'études qui ont été faits là-dessus. Tout a été changé, les sacrements, le culte, la doctrine, la morale. Bon, enfin, je ne veux pas développer ça ici, ce serait très long, mais. Je renvoie à un certain nombre d'ouvrages, j'ai même écrit des longs articles là-dessus sur Vatican II. Les internautes qui sont intéressés peuvent m'écrire. Hein, mon adresse mail, c'est jérômebourbon@yahoo.fr. Bon. Mais s'agissant donc de ce que dit Daniel Conversano, donc je pense qu'il ne faut pas confondre donc la secte conciliaire et l'Église catholique, premier point. Et deuxième point, moi ce que je constate, si vous voulez, je dis ça vraiment sans aucune. Acrimonie envers quiconque, moi je constate que en dehors, ça c'est un fait objectif, si c'était le contraire, je le reconnaîtrais sans problème, hein. Mais je constate que les seuls milieux où il y a des familles nombreuses, c'est dans les familles catholiques traditionnalistes. C'est un fait, que ça plaise ou non, je veux dire, ça n'est même pas un jugement de valeur, c'est un fait objectif, quoi, je veux dire. Je suis désolé, moi j'ai été, je veux dire, dans les milieux se réclamant de la nouvelle droite, des milieux païens, paganisants, il y a des gens individuellement qui sont tout à fait respectables, hein, sympathiques, la question n'est pas là, voilà. Mais moi je constate qu'ils font pas d'enfants, c'est tout, je veux dire. Moi j'ai déjà vu de familles nombreuses chez eux, ou s'il y en a, c'est l'exception, c'est tout, c'est un fait, voilà. Donc, ils vont nous parler sans cesse de la race blanche, etc. Je ne dis pas qu'ils sont pas sincères dans leur combat, je ne dis pas ça, mais je constate que dans les faits, et en général, Oui, il la perpétue pas. sauf rare exception, ils ne font pas d'enfants, quoi, je veux Non, dire. d'accord. Donc, si vous voulez, c'est quand même C'est contradictoire, ce que quoi. m'ont répondu certains catholiques en me disant, de toute façon, on tape sur les catholiques, mais contre le grand remplacement, c'est ceux qui luttent Ça, c'est un fait objectif, quoi. Qu'on prouve le contraire, quoi. Voilà. Donc le ça c'est une réponse concrète que je donne à Daniel, quoi. Je veux dire, voilà, je veux dire, c'est un fait, donc je ne vois pas en quoi le fait d'être catholique. Alors, évidemment, par contre, là où il peut avoir raison, mais encore une fois, ça n'est pas catholique, ça n'est pas C'est sur l'Église le vrai conciliaire. catholicisme, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème et une incohérence chez certains à se réclamer à juste titre du nationalisme, du refus du mondialisme, etc., et en même temps à reconnaître l'autorité d'imposteurs comme Bergoglio, à les citer au canon de la messe, à les reconnaître comme l'autorité légitime, voire même à se soumettre à eux. Ça, effectivement, il y a une vraie incohérence, là, il y a un vrai problème, hein, à la fois de foi, de principe et de cohérence. Ça, c'est vrai, mais bon, ça, c'est une autre question encore. Mais s'agissant vraiment je dirais, de la défense de la natalité française, il me semble que c'est la vie catholique traditionnelle dans les faits. J'ai pris, hein, c'était le contraire, je le dirais, mais dans les faits, ce sont eux qui font des enfants, quasiment sont les seuls, hein, voilà, aujourd'hui. Je vais prendre des questions du public. Donc, n'oubliez pas les questions, c'est dans le chat. Questions pour le direct. Pour ceux qui veulent en poser, il faut s'inscrire à l'avance, évidemment, sur le Discord, sur la caserne. Là, c'est trop tard. Alors, question. Alors, on me dit par exemple, et cette supériorité qu'on a pu observer, notamment avec l'histoire, provient en fait des types de sociétés. Alors, attends, ça, c'est pas une vraie question. Uniquement les questions, s'il vous plaît, dans le chat, parce que ça perturbe. Alors, on me dit par exemple, Jérôme Bourbon, comment combattre cette bobo-cosmopolitisation politique que vous dénoncez, à part via l'indépendance agriculturelle et l'anti-blanc? Si vous avez une idée différente, je suis curieux. Il faudrait que je comprenne la question. Oui, moi aussi, c'est pas évident, mon ami. Il faudrait formuler un peu plus. Non, mais je suis peut-être d'une intelligence très moyenne, mais peut-être que je suis un peu fatigué. Alors, comment combattre, voilà, on va dire, le bobo cosmopolitanisme, voilà, pour être clair. Comment le combattre, clairement, dans la vie de tous les jours? Comment on combat ce bobo cosmopolitanisme? Moi, je pense que la première chose, c'est d'essayer de se préserver soi-même autant que faire se peut. On a tous nos faiblesses, mais autant que faire se peut de la contagion du monde, de la pollution du monde. Ouais. Ça, je crois. Et de sa pollution morale, de sa pollution vestimentaire, de sa pollution langagière. Essayer de rester fidèle à un certain nombre de traditions françaises. Alors bien sûr, on est au 21e siècle, on ne va pas s'habiller comme il y a 3 siècles, hein, bien sûr. Hein. Et bien sûr, c'est normal aussi de vivre avec son temps, mais en refusant tout ce qu'il y a de mauvais dans le temps présent, dans des modes qui sont détestables, le négligé vestimentaire, le pourquoi se sentir obligé, par exemple, dans chaque phrase, d'utiliser des mots roturiers, etc. Moi, j'ai souvenir, il y a quelques décennies, quand même, il semble que les Français s'exprimaient quand même mieux. Je trouve aujourd'hui que les gens se croient obligés d'utiliser en permanence un mot grossier, alors qu'un mot grossier vous échappe parce que vous avez une contrariété, vous avez oublié votre sac, des effets personnels, je peux le concevoir, bien sûr, hein, quand on est énervé, etc. Mais quand c'est permanent, sans raison, c'est fâcheux. Et je trouve que c'est encore plus désagréable, je trouve, quand c'est dans la bouche d'une jeune fille, quoi, où on attend de la grâce et tout ça, quand j'entends parfois des mots extrêmement vulgaires, répétition, c'est assez déplaisant, je dois dire. Bon, de la même manière, pourquoi diaboliser la cravate? Je me félicite d'être en cravate. Maintenant, je vois la télévision, ni les journalistes, ni les hommes politiques, ni personne n'est en cravate, quoi. Alors, même l'autre fois, lorsque les journalistes ont interviewé Macron, il n'y a pas de cravate. Et maintenant, non seulement on déboutonne le premier bouton de la chemise, mais même souvent plusieurs. Enfin, je veux dire, c'est quand on remet une chemise, d'ailleurs, bon, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Défendons la cravate, défendons même la pochette, je dirais, voilà. Je crois que c'est très important. Autrefois, on disait que les gens s'endimanchaient. Je crois que c'était bien quand même. Lorsque l'on va à un mariage de quelqu'un, on change de costume, on essaye de bien s'habiller parce qu'on fait honneur au marié, c'est normal. On invite à un repas, une réception, on dit aussi parfois de se mettre sur son 31. Sur son 31. Le 31 pour la Saint-Sylvestre, le 31, bon, où on s'habille en général pour fêter la dernière soirée de l'année civile. Oui. Mais il est clair que les gens ne s'habillent plus. Apparemment, vous connaissez l'origine de l'expression 31, se mettre sur son 31. Un alchimiste m'avait expliqué que c'était au Moyen-Âge, on mettait en fait 31 fils de soie et un fil d'or. C'était une mode absolue. Et donc, c'est de là que vient l'expression se mettre sur son 31. C'est très beau. Je constate que les gens, sauf exception, ne s'habillent plus, quoi, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a un négligé du langage, un négligé du vêtement. Les hommes ne se rasent plus, quoi. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens portent la barbe ou la moustache. C'est la liberté de chacun. Moi, je connais plein de barbus aujourd'hui. Voilà, c'est la mode, la barbe. C'est la liberté de chacun. Il ne s'agit pas de diaboliser quoi que ce soit. Mais garder des barbes de 3 jours en permanence, il me semble quand même que. Je ne vois pas en quoi c'est quelque chose de positif, comme maintenant il y a une mode de se tatouer, même les femmes se tatouent. Là, autrefois, j'avais vu à la sortie même de l'école maternelle, je voyais même en province, maintenant c'est effrayant. Je vois des femmes, alors notamment dès que il fait un petit peu beau, qu'il fait un petit peu chaud, là tout de suite, je veux dire, les gens ont des tenues d'une indécence absolue, c'est hallucinant. Mais alors, donc on voit leurs tatouages, etc., y compris des jeunes femmes, des jeunes mères de famille, c'est hallucinant. Je rappelle quand même que c'est une mode africaine, quand même, à l'origine, ça, je veux dire, l'homme occidental ne s'est jamais tatoué, je veux dire, bon, peut-être certains légionnaires, mais je veux dire, c'est quand même. Une mode assez étrange, je veux dire, quand même. Bon. Donc, il me semble qu'il faut quand même résister à un certain nombre de déviances ou de modes tout à fait détestables. Vous savez, les gens maintenant, qui se mettent aussi dans le nez ou un peu partout. Des choses, d'ailleurs, c'est très mauvais. Des piercings. Même d'un point de vue hygiénique, etc. Enfin, je ne vois pas. Enfin, j'avoue que je serais absolument horrifié, catastrophé. ébaudi si, si j'avais des enfants qui évoluaient dans ce sens. Je le dis franchement. Je veux dire, Est-ce que justement, alors question un peu, question avocat du diable, est-ce que c'est pas votre combat, une France nostalgique qui n'existe plus et peut-être qui ne reviendra pas? Ça, c'est possible. Et d'abord, la nostalgie, c'est un sentiment qui est sympathique, puisque finalement, lorsque on se remémore son passé, qu'il y a des moments qu'on met en exergue, en quelque sorte, dans sa mémoire, il est certain que l'eau d'un fleuve ne repasse jamais deux fois au même endroit. On le dit, hein, c'est même un dicton. Mais donc, bien sûr, qu'on ne pourra pas revenir au passé tel qu'il a été autrefois, ne serait-ce que par les évolutions technologiques, d'ailleurs. Et parce que le temps passe. Mais moi, il me semble quand même que dans l'ensemble, c'était quand même autrefois bien des égards. Et encore, moi, j'ai déjà connu un monde qui disparaissait. Remarquez, ça a toujours été un peu le sentiment des hommes, que c'était mieux avant, puisque même sous l'Antiquité, certains le disaient, etc. Et Drummond parle de la fin d'un monde, déjà. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on a ce sentiment-là. Mais enfin, il me semble que le monde dans lequel nous évoluons, dans lequel nous entrons, est quand même de plus en plus haïssable. Et ouais, il me semble quand même qu'il faut, au contraire, essayer de conserver ce qui peut l'être dans l'ancien monde. Notamment, je pense par exemple les enfants. Moi, je trouve la vie des saints. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques, la vie des saints, des héros, des martyrs de l'histoire de France. Moi, je préfère, si vous voulez, qu'ils aient en admiration ces modèles, qui sont pour le coup vraiment des exemples, plutôt que les vedettes de la chanson, du cinéma ou du showbiz, qui sont drogués, multidivorcés, complètement décadents, etc., qui ne sont rien des exemples. Bon, alors je veux bien qu'on admire certains sportifs pour l'habileté du maniement de leur art, quoi, etc., mais sûrement pas pour leur vie privée, quoi, en général. Sûrement pas pour leur mœurs, en général, qui sont souvent à bien des égards détestables, quoi. Bon, et sûrement pas imitables, donc. Je crois vraiment qu'on ne peut pas. Moi, je crois vraiment que le problème numéro un, c'est pas le seul dans le pays. C'est quand même, je pense que c'est quand même la destruction des mœurs, quand même. Hein, je veux dire, je pense aussi de l'esprit critique, mais quand même des mœurs. Ouais. Ça, je pense que la perte totale, quand même, de repères moraux est absolument catastrophique. Autrefois, même des gens qui n'allaient pas à l'église, qui n'allaient pas à la messe, avaient un certain de principes chrétiens, même malgré eux. C'est-à-dire que le respect de la parole donnée, le sens de l'honneur, le respect de l'engagement, etc., c'est quelque chose qui comptait. Même pour des communistes, hein, même des gens, etc., qui étaient. Bon, j'en ai connu dans la famille des gens âgés et tout ça. Je veux dire, c'était, il y a des choses qui leur. Ils se seraient sentis déshonorés de manquer un engagement, quoi. Bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui. Les choses, on est tous plus ou moins pollués par ça, il faut reconnaître, parce qu'on est dans un monde, donc et c'est compliqué, quoi, d'être à contre-courant en permanence. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, comme j'ai déjà dit, je ne crois pas du tout que la solution elle soit électorale, et je pense qu'aller dans cette nase, dans cette boue de politiciens médiocres qui mentent, qui trichent, qui volent, etc., ça pourrait les meilleurs. Moi, je l'ai vu au Front National, hein. Il y avait des gens qui étaient tout à fait estimables, qui avaient des qualités au départ, mais finalement, entrant dans ce système, ils se pourrissent, il n'y a rien à faire. C'est inévitable, parce que c'est un système qui est corrupteur en lui-même. Donc, moi, je dis, dégageons-nous de cela. C'est quoi ça? Mais c'est pas le pouvoir qui corrompt, tout simplement? Alors, le pouvoir corrompt, l'appétit du pouvoir, la volonté de pouvoir, c'est certain. Mais moi, vraiment, je pense que vraiment, il faut vraiment chercher en tout point la vérité et à dire la vérité, même si elle déplaît, même si elle n'est pas comprise sur le moment, et essayer d'être en harmonie, en accord avec soi-même autant que faire se peut, avec ce qu'on pense, avec, bon, c'est pas toujours simple, mais il faut essayer, c'est sur quoi il faut essayer de tendre. C'est la citation de Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Oui, c'est ça. Oui. Bon, je trouve que la vérité, il n'y a rien de plus enthousiasmant, finalement, que la quête de la vérité et l'amour de la vérité dans la vie. Quelqu'un qui ment peut lui faire confiance. Un enfant qui ment, par exemple, qui ment tout le temps, on ne sait plus quoi après, je veux dire, quand le croire ou ne pas le croire. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, par exemple, s'agissant. Pardon. Du révisionnisme historique, bon, c'est dangereux, mais si on considère il faut dire la vérité, si on est convaincu d'une vérité, quand bien même est-elle dangereuse, à mon avis, il faut la dire. Enfin, moi c'est ma conception, des choses. Il faut la dire. Il faut la dire, il faut même l'écrire dans le journal, il faut la dire devant un tribunal, et puis c'est tout, je veux dire. Quoi qu'il en coûte. Non, mais c'est pas que je sois kamikaze, hein. Enfin, je ne pense pas, j'en sais rien. Mais moi, je considère vraiment que. Moi, c'est pourquoi j'ai beaucoup de considération pour le professeur Fresson, qui est athée pourtant. Donc, vous voyez que le courage, c'est pas une question catholique ou pas catholique. Oui, il y a des athées qui sont plus courageux que certains catholiques, alors que ça devrait. Normalement, ça devrait être l'inverse, si on est en cohérence avec soi-même. Bon. Mais je dois dire que je suis tout à fait admiratif de son courage, de sa persévérance depuis un demi-siècle. Voilà, il y a peu de gens qui ont ce courage-là. Mais moi, c'est vraiment des gens là pour lesquels vraiment j'ai de la considération. Parce que c'est des gens vraiment qui, au nom de ce qu'ils estiment être une vérité, sont prêts à tout perdre finalement. Et ça, je considère que bien qu'il soit athée, c'est une démarche très christique, je veux dire ça. Qui veut gagner sa vie, la perdra. Alors on me dit toujours, oui, mais c'est bien joli vos discours, tout ça, mais finalement, vous voulez garder les mains pures, on n'a pas de main. Mais moi, je répondrai par une citation du Christ dans l'Évangile. Si votre main vous scandalise, jetez-la, car il vaut mieux rentrer manchot au royaume des cieux qu'être jeté avec les deux mains dans la gêne de feu. Hein, ou de la même façon, si votre œil vous scandalise, vaut mieux le jeter au loin plutôt que rentrer, vaut mieux être borgne dans le royaume des cieux que rentrer avec ses deux yeux dans la gêne de feu. C'est du simple bon sens. Il faut se préserver autant que faire se peut de la corruption du monde. Je rappelle d'ailleurs que Sainte Jeanne d'Arc, dont on a fêté ces jours-ci, qui est une héroïne nationale, dont on a fêté la fête nationale, disait toujours à ses soldats, c'est le péché mortel qui fait perdre les batailles. Hein, je veux dire, ça on l'oublie un peu parce qu'on parle toujours, on a raison de le faire, Jeanne d'Arc contre l'envahisseur, à défense de la patrie, de la monarchie légitime, tout ça c'est très juste, mais il faut quand même pas oublier qu'il y avait une dimension morale chez Jeanne d'Arc, hein, et qu'elle ne supportait pas les grossièretés chez les soldats, les blasphèmes chez certains de ses soldats, elle se mettait vraiment en colère, etc. Et elle disait, c'est le péché qui fait perdre les batailles. Hein. Et ça, il faut vraiment être convaincu de ça. C'est évident que tous les malheurs du monde, toutes nos infortunes, y compris nos infortunes personnelles, souvent on s'aperçoit que très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est la conséquence d'erreurs qu'on a commises, de bêtises qu'on a faites, etc. C'est tout, je veux dire, c'est évident, je veux dire. Bon. Et donc, c'est souvent l'homme qui fait son propre malheur. Et donc, la leçon de Jeanne d'Arc, c'est ça aussi, quoi, je veux dire. Donc, et donc, je crois que c'est vraiment une leçon d'élévation spirituelle, d'élévation de l'esprit. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me préexalte tant. Enfin, moi, je pense. Mmh. Voilà. Alors, je vais reprendre quelques questions encore, les dernières. On me dit, bonjour, monsieur Bourbon. Voilà, comme vous avez parlé tout à l'heure de monarchisme, oui. Seriez-vous plutôt légitimiste ou orléaniste? Donc ça, c'est une question que j'arrive à comprendre. Bon. je dirais franchement, au risque de choquer les uns les autres, je dirais ni l'un ni l'autre, parce que quand je vois les prétendants actuels, je ne voudrais pas être désagréable, mais par charité, je n'en dirais rien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de chef. Et je disais que notre société, elle est tellement décadente que je suis même pas sûr qu'ils sont aptes à sécréter des chefs, car un chef ne se décrète pas, il se sécrète. Et je pense qu'on a eu même encore, à l'époque des régimes fascistes, des chefs comme charismatiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la société, elle est tellement amolie, décadente, médiocre, que je ne suis pas sûr qu'elle soit même de créer des chefs charismatiques qu'on a envie de suivre, je dirais, quasiment les yeux fermés, ouais. Avec un enthousiasme, avec une ferveur. Et moi, je ne demanderais que ça, hein, je veux dire, de suivre un chef et d'encourager des gens à suivre un chef dont je serais assuré des qualités exceptionnelles, parce que pour être un chef, il faut des qualités exceptionnelles, ben j'en serais parfaitement heureux et enthousiaste, parce que se donner pour une cause que représente avec dignité, avec talent, avec compétence et avec brio et en même temps humilité, et un homme, c'est extraordinaire, quoi. Bon. Mais aujourd'hui, me semble-t-il, cet homme-là, il fait défaut. Ben oui, il n'est pas encore là, l'homme providentiel. Bon. Et donc, je pense que la monarchie, je suis favorable, effectivement, au principe monarchique, qui est singulièrement en France, parce qu'il a quand même été la gloire de la France pendant de longs siècles. Mais aujourd'hui, je dois dire honnêtement que soit les prétendants du côté légitimiste, du côté orléaniste, d'ailleurs, je vois la plupart sont dans la banque, beaucoup même sont divorcés, ou conciliaires, dans des situations... quand ils sont pas francs-maçons, par conséquent, moi j'avoue, je n'attends rien de. Ce ne sont pas des briseurs de barrages. Ce qu'il nous faut, c'est des briseurs de barrages. Il faut des gens qui sont capables de s'opposer à la vulgate, à la pensée dominante, de donner l'exemple et quitte à être diabolisés, marginalisés. C'est pas du tout ce que sont On n'aurait pas besoin plutôt ces prétendants d'un. qui sont des mondains, voilà. Donc, non, des libéraux, non, fondamentalement, non, je veux dire, honnêtement, je n'ai jamais eu cette sympathie pour aucun des prétendants qu'on nous propose. Non, là, je dois dire, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est saisissant de se dire qu'on vit dans un moment de vide absolument stupéfiant, mais pour l'instant, en tous les cas, je ne vois pas de chef. Pas de, il faudrait pas un Poutine à la française finalement en France, quelqu'un qui vienne renverser le pouvoir, mais qui soit un membre du Sérail quelque part, parce que pour entrer dans cette machine, il Je ne sais pas, je ne sais faut y, pas. faut déjà en être parti Je ne sais quoi. pas, mais en tout cas, pour l'instant, cette personne, elle n'existe pas. Je ne la vois pas arriver. Oui. Alors, quelqu'un, bah, c'est une question aussi que je voulais poser, qui demande comment voyez-vous l'avenir de la France à long terme? Moi, ma question, c'était comment imaginer la France dans 30 ans? Ah, bah ça, je ne suis pas Madame Soleil, mais. Sur base de l'évolution Ah, qu'on oui, pourrait. bah, je ne suis pas d'un optimisme béat par rapport à ça, parce que je pense que les grands phénomènes que nous connaissons ne peuvent que s'aggraver, que ce soit sur la question donc du grand remplacement, puisqu'on peut penser que d'ici une trentaine d'années, la majorité de la population en France sera majoritairement afro-maghrébine. Hein, donc c'est déjà le cas de la majorité des naissances en Île-de-France, en nombre de villes et de régions, Lyon, PACA, etc. etc. Bah, de Ouais. plus en plus, et on le voit d'ailleurs quand on prend le métro, le Tout à train, le fait. transport en commun, Tout à fait. ou dans la rue, tout simplement. Donc, et je pense qu'à l'échelle d'une génération, c'est-à-dire une génération, en général, c'est une trentaine d'années, je pense qu'effectivement, entre 2050, peut-être même un peu avant, je pense que la France sera. Il y avait des enquêtes que j'avais vues déjà des années 80-90 qui allaient dans ce sens. Je pense qu'en effet, d'ici une trentaine d'années, la France sera majoritairement, alors peut-être pas forcément partout dans le territoire national, mais enfin, majoritairement sur l'ensemble du pays, effectivement, la France sera majoritairement extra-européenne, disons, pour sa population d'origine. Ça, c'est effectivement donc un élément important. Où en sera-t-on sur le plan de la dette et des déficits qui sont absolument abyssaux, hein? Et donc, dans 30 ans, est-ce qu'il n'y aura pas une faillite totale économique, financière? On peut quand même se poser des questions, parce qu'on a du mal à croire que Ça va continuer comme voilà. ça Parce qu'en longtemps, 2008, il y a eu une grande crise financière, ils ont essayé, bon, ils ont gagné 10 ans, ils ont essayé de colmater les brèches, peut-être que ça peut durer Mais on a peut-être. mis tout sous la table, on voit Voilà. bien que tout ça, c'est pas Voilà, fini. donc peut-être que ça peut encore durer, je ne sais, quelques années, ça, je seul le sais, mais je ne vois pas que ça puisse durer de longues décennies encore. Bon, voilà, donc il y a cette question-là également. Et puis, je pense plus fondamentalement également que la déchristianisation sera encore plus profonde, à mon avis. C'est ma canicule, parce que quand vous voyez les gens qui vont à l'église, c'est souvent pour la plupart des gens qui ont plus de 60 ans, plus souvent d'ailleurs des dames que des hommes. Donc je dirais que mécaniquement, là aussi, surtout dans les campagnes, ça va disparaître de plus en plus, quoi. Je veux dire, alors il restera toujours une petite minorité, de plus en plus faible, mais je pense que la déchristianisation va encore s'accroître. Alors que l'islam, lui, va progresser mécaniquement, après le fait qu'il y ait une immersion de plus en plus massive. Bien que je pense que de plus en plus de musulmans vont s'occidentaliser, c'est-à-dire agir en consommateur, hein, je veux dire, voilà. Par ailleurs, ce qui est aussi un phénomène dont on n'a pas parlé, on ne peut pas parler de tout, mais je suis très inquiet devant l'évolution par rapport aux technosciences, notamment des nouvelles générations, parce qu'avec finalement l'iPhone, le smartphone, ça date en gros de 2006, c'est une dizaine d'années, hein, sa généralisation, et maintenant le haut débit sur Internet, c'est une dizaine d'années ou un peu plus également, et maintenant je vois vraiment à quel point ça a changé notre mode de vie. Y compris à nous d'ailleurs, hein, mais je veux dire, chez les plus jeunes, c'est quand même frappant. Je suis amené par mon métier à prendre souvent le train, et je constate à quel point je vois souvent des jeunes adolescents avachis avec leur smartphone ou leur jeu vidéo pendant des heures entières dans les trains, même au restaurant, hein, je veux dire, parfois. Et j'ai l'impression que même à table, etc., au détriment quand même, ça il me semble que ça crée des générations d'autistes, hein, et que au détriment quand même des relations sociales, même minimalistes. Hein, et c'est quand même effrayant. Et je vois ça augmenter, se généraliser d'une manière quand même particulièrement effrayante, quoi. Et sans même parler que maintenant, je vois par facilité, pour avoir la paix, ou par commodité, bon, même souvent les parents, des bébés, des enfants de 2 ans, on leur met avec des ordinateurs en main, alors des ordinateurs adaptés à leur âge, mais quand même, quoi, je veux dire, c'est quand même très mauvais, où on laisse devant des écrans vidéo ou télé, et de plus en plus, il y a des études qui montrent les déséquilibres considérables, parce que les enfants, si petits, ne sont pas faits pour être des heures devant des écrans allumés, etc. Et ça a un effet complètement détestable, et ça me fait penser souvent, d'ailleurs je vais bientôt dans Riverol faire un long article là-dessus, d'ici cet été, reprenant notamment ce que Bakhanov disait dans son livre prophétique La France contre les robots, où il dit bien que finalement, on peut se demander en quelle mesure ce n'est pas la technique qui va l'emporter sur l'homme et non plus l'homme sur la technique, et au fond on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui de plus en plus, c'est la technique qui l'emporte sur l'homme, et que l'homme devient finalement que l'appendice de la technique. Moi, ça m'avait frappé quand j'avais vu des aïeux, quand j'étais allé voir des aïeux ou des vieilles dames dans ce que l'on appelle maintenant des maisons de long séjour, qui sont au fond des mouroirs, finalement, hein, ce qu'on appelait autrefois les hospices. Bon. Et je voyais souvent un certain nombre de ces pensionnaires de ces maisons perpétuellement assis devant un écran en permanence allumé, avec des yeux vitreux et éteints, quoi, finalement. Comme si finalement ils étaient passifs, complètement passifs, tels presque des légumes, devant un écran allumé. Ça m'avait saisi, hein. Je me rappelle à l'époque, j'étais un adolescent, ça m'avait fait un sentiment quasiment d'effroi, quoi, etc. Et je constate que finalement maintenant, de la plus petite enfance jusque finalement au plus grand âge, dans ce genre de maison, et finalement on est l'appendice de la technique, quoi, je veux dire, de plus en plus, quoi. C'est quand même donc je pense que la société technicienne, il ne s'agit pas d'être contre par principe, elle a son avantage et tout ça, hein. Je veux dire, c'est comme Internet, c'est comme la langue d'Ésope, hein, c'est le meilleur et la pire des choses, mais il me semble que l'être humain a difficilement lui cette auto-limitation qui fait qu'on puisse en faire un usage modéré et limité de ces techniques, et ça c'est complètement invasif, quoi. Hein. C'est moi, je sais pourquoi, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, je n'y vais pas trop parce que sinon je passerai des jours et des Ah nuits bah entières. c'est chronophage Ça se trouve, je extrêmement. vous avez des gens qui vous posent des questions, vous intervenez, puis alors en plus, ça développe l'agressivité, j'ai remarqué, parce que ça ne crée pas l'empathie. Parce que, et d'ailleurs, je le vois même présent dans nos milieux, des gens qui étaient, je suis stupéfait de voir ça, des gens qui étaient amis la veille, qui ont a priori beaucoup d'idées communes, bah finalement, ils deviennent ennemis parce que finalement, ils s'excitent sur Internet, et puis il faut bien quand même créer un peu du débat, du conflit, et finalement, après, on arrive quasiment à s'insulter, c'est hallucinant, je veux dire, quand on voit le nombre de clashs, comme on dit maintenant dans le milieu, souvent pour des raisons complètement dérisoires, quoi, hein, je veux dire, On est bon, bien on est d'accord. bien d'accord, on est bien d'accord là-dessus, et donc il faut essayer quand même de faire attention à ça, parce que je suis bien d'accord qu'il y aurait des désaccords, bon, doctrinaux, ou stratégiques, spirituels ou autres, ça peut être tout à fait noble, hein, légitime, mais je veux dire, quand c'est vraiment des questions de personnes, ou des questions vraiment, je veux dire, uniquement parce que on s'excite devant l'outil informatique, etc., et qu'on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, ça je dois dire que c'est aussi un des inconvénients du courrier électronique, parce que d'un côté, l'avantage, c'est que c'est rapide pour répondre, mais alors le problème, c'est qu'autrefois, si on vous disait quelque chose de désagréable, bon, bah, le temps quand même d'écrire une lettre, de la poster, de la timbrer, d'aller à l'internaute, la colère a le temps de retomber, quoi, je veux dire. Alors que le courrier électronique, vous répondez immédiatement, et après vous regrettez si vous avez quelque chose, parce que ça baisse toujours, C'est bon, voilà. vrai, c'est Enfin, vrai. ça vilit, bon. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la grande vitesse que crée la technique, l'immédiateté des réactions, etc., elle n'est pas adaptée à l'être humain, où on a besoin quand même de réfléchir un peu, de méditer, de faire un retour sur soi-même, de ne pas réagir tout de suite. Et c'est pourquoi, moi, j'encourage vraiment les gens, surtout quand on est en colère et tout ça, faut surtout pas répondre immédiatement, quoi, je veux dire. Parce qu'après, d'autant plus qu'il faut savoir que les courriers électroniques, même en justice, ça peut être une preuve, etc. Donc il faut faire attention dans le maniement de ça. Moi, j'ai regretté parfois, des fois, moi-même, hein, je reconnais, je veux dire, d'avoir répondu trop vite, hein, à des gens et tout ça. Si vous avez un programme message désagréable, si vous êtes déjà, que vous soyez déjà un peu énervé, fatigué, etc. Ouais, vous Hop, voilà. répondez, et puis en fait, ça Et se après, on retourne contre regrette. vous. Ah, oui, c'est ça, parce qu'en général, c'est pas glorieux, quoi, ce qu'on répond. Hein. Bon, donc il faut vraiment éviter cela. Puis quand même, moi, vous allez me dire que je défends ma prouesse, mais quand même, la presse papier, moi, je trouve l'agrément de lire un article, de tourner une page, revenir en arrière. C'est quand même pas la même chose, hein, que le smartphone et tout ça. Je dis pas que ça peut pas avoir son utilité. Mais enfin, la presse papier, d'abord, c'est un charme, je trouve, le papier, etc. Même qu'il est un peu jauni, désuet, etc. Mais en plus, il me semble que c'est quand même pas la même approche, quand même. Il me semble qu'il y a quand même plus de réflexion. On revient plus facilement en arrière. Puis je crois que c'est plus adapté, quand même, à l'esprit humain. Tu regardes une trace parce que les liens, ça se perd sur Internet. Voilà. Quand on te dit oui, le truc, ah ben je Ben sais c'est plus où ça. je l'ai mis, Oui, il faut que je retrouve le lien. et puis en plus, il y a un site, il peut disparaître, il peut Tout à fait, écrire. Quand tout vous à voyez la fait. facilité Ah avec bah. laquelle finalement le gouvernement ou des groupes ou des Ouais. adversaires, même parfois du même camp, Oh. élimine du jour au Souvent dans le lendemain. même camp, Mais souvent, quoi. c'est souvent les pires, parce que finalement, c'est toujours dans les plus proches que là, on connaît la haine de famille. Souvent, c'est les pires, quoi. C'est la haine fratricide, c'est connu. Bon, Bah comme et, je dis, la famille, ils sont juste derrière, ils peuvent vous planter un voilà. couteau, alors vous êtes mis, ils sont en face, Ça, vous les voyez. les adversaires en interne, c'est toujours plus redoutable. Bon. et plus insidieux. Mais s'agissant donc effectivement de cela, oui, en effet, bon, moi j'encourage vraiment les gens à prendre un peu de temps pour lire. Alors s'ils répugnent à lire des livres, au moins lire des journaux, des revues, des périodiques, parce que vraiment, je crains vraiment que la presse papier disparaisse dans les années qui viennent. Hein, je veux dire, si Mais vraiment si on ça continue fait, comme si on ça, fait rien. ah, moi je vois une dégradation constante. Bah, déjà vous savez que les kiosques, en l'espace d'une dizaine d'années, il y en a 10 000 qui ont été éliminés, quoi. Et je crois qu'on en perd 1 000 à 1 500 par an, des kiosques. Hein, c'est considérable, hein, des marchands de journaux, quoi, je dirais. Donc, c'est une évolution qui est tout à fait considérable. Et la perte de l'écrit et du papier serait vraiment. On a eu la révolution Gutenberg. Là, j'ai l'impression que c'est la révolution numérique maintenant. Mais ce serait quand même fâcheux si elle faisait disparaître complètement ou quasi complètement La presse papier, la tout à presse fait. papier, le livre, l'édition, le journal. C'est pourquoi moi j'encourage vraiment les gens, je veux dire, à acheter des journaux, à les lire, ceux en tout cas qui les intéressent, évidemment, ceux dans lesquels ils trouvent des munitions intellectuelles, doctrinales, un commentaire, une analyse de l'actualité. Parce que contrairement à ce que l'on pense, le journalisme, ça n'est pas l'information, c'est le commentaire, l'analyse, la mise en perspective de l'information. C'est ça la qualité, la légitimité, la noblesse du journalisme. Moi, justement, dans Riverol, ce qu'on essaye de faire, c'est. Bon, il y a des informations, bien sûr, mais c'est essayer de les prendre un peu de haut et d'essayer de les analyser, de les mettre en perspective, d'en voir un peu les causes, les manifestations, les conséquences, comment on peut analyser ça, redresser des mensonges, débusquer des erreurs, des impostures, etc. C'est ça, et ça, je trouve que c'est tout à fait passionnant comme travail. Et donc, et puis donc sur tous les plans, plan politique, plan religieux, plan culturel, plan sociétal, en politique intérieure, en politique internationale. Donc c'est ce à quoi nous employons. Et moi je dois dire que je trouve vraiment que c'est un métier tout à fait passionnant, qui comporte certes ses risques et ses inconvénients, mais enfin, moi je dois dire que je suis très heureux d'exercer cette activité qui en plus oblige à écrire, mais aussi à s'exprimer. Bon bah aussi un petit peu à s'occuper un petit peu d'un minimum de gestion, parce que je suis aussi un petit peu chef d'entreprise, à un Oui, très petit niveau, hein, accessoirement, c'est hein, quand même d'une très petite important, mais bien entreprise, sûr, mais bien TPE, mais bon, il sûr, y a bien aussi ça, sûr, donc c'est intéressant. bien Donc sûr. on fait beaucoup de choses qui sont quand même variées, et je trouve ça, somme toute, très, très enrichissant, quoi, très intéressant. Et puis bon, je trouve que quand même, ce qu'il y a me semble-t-il, de plus intéressant dans la vie, c'est quand même les relations humaines. Moi, je trouve que c'est travailler sur l'humain, quand même, parce que finalement, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. La Tout à Genèse le fait, disait tout déjà, à fait. et Donc vous le bon Dieu le encouragez disait les déjà. mouvements de, en ce moment, parce qu'en ce moment, le grand mouvement sur les réseaux sociaux et d'une façon générale, c'est de dire aux gens de se dévirtualiser, de se rencontrer, Oui, etc. Il y a beaucoup de jeunes, je pense que c'est une voilà, très bonne qui chose, oui. encouragent Mais ça. on ne peut pas rester uniquement dans le virtuel, je pense que Oui, c'est très oui. agréable. C'est un outil, en fait, le virtuel, mais ça doit avoir une finalité quand Moi, même de se je trouve rencontrer. qu'il Ça n'y a ne doit rien pas de être... plus agréable que de prendre un verre, un café, Tout ou à mieux fait. encore un repas. Parce que, d'ailleurs, même on voit souvent dans l'évangile le Christ prendre un repas avec ses disciples, avant comme après sa résurrection, d'ailleurs. Et même la scène, qui est quand même un moment central, c'est quand même un repas. Et quel repas. Et donc, non, je crois vraiment que c'est très très important, effectivement, ces moments de convivialité. Moi, j'ai souvent, je dois dire, je pense avoir probablement plus appris dans des conversations comme ça, dans le cadre de repas, de conversations avec des gens passionnants, intéressants, plus peut-être que dans les livres, vous voyez. Parce qu'en plus, D'accord. il y a des échanges interactifs, si vous voulez. Et puis, vous avez vraiment quelqu'un qui a une expérience, qui fait part de ses connaissances, de son expérience, de sa perception des choses. Et on peut lui poser des questions, on peut échanger. Et moi, je trouve que c'est une des choses les plus belles dans la vie, quoi, je veux dire. Alors, c'est vrai aussi dans la famille, bien sûr. Mais c'est vrai avec tout un chacun. Et je veux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir. Eh bien, Voilà. merci, merci. On arrive à la fin de cet entretien. Allez, dernière question de subsidiaire, la Oui. question qui fâche. Vous allez vous réconcilier avec les brigands d'un jour? Ah ben là j'ai abordé la Le question. pardon chrétien, justement. Non, mais pardon, chrétien. Ah ben j'ai pardonné à mon agresseur, ça. Mon agresseur, j'ai pardonné. Je dois dire que je n'ai jamais eu aucune haine à son endroit. J'en ai jamais éprouvé. J'aurais peut-être pu, mais ça n'a pas été le cas. Donc la personne n'est pas en cause. Ce que je déplore, c'est plus un comportement et des idées qui me paraissent, au moins pour certaines d'entre elles, nocives. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais bon, j'ai déjà développé ça. Je sais, c'est pour ça. C'est pour ça que j'insiste pas là-dessus. Voilà. En plus, moi, j'ai reçu Brigante, ça s'est très bien passé. Donc, bon. Oui, mais elles vous ont menti sur beaucoup de points, parce qu'elles ne vous parlaient pas de Joël de la Bruyère. À l'époque, elles disaient qu'elles faisaient même leurs chansons. Elles ne disaient pas que c'était la Bruyère qui faisait tout seul les chansons. Mmh. Elles ne disaient pas. Elles ne vous parlaient pas du royaume elfique et de tout ça, toutes choses qui existent réellement. Enfin, bon, je ne veux pas relancer. On ne va pas relancer le débat. Bon. Moi, je garderai un bon souvenir. Mais vous avez raison. Mais vous êtes d'être très, très ouvert et très éclectique dans vos invitations. Ça, je vous en félicite. Mm-hmm. C'est-à-dire votre rôle. Et c'est très bien ainsi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme Bourbon. Je vous remercie. Je remercie aux internautes de nous avoir écoutés. Eh ben, c'était un plaisir. Écouter. Alors, avant qu'on parte, dites-nous comment vous, votre site, c'est rivarol.com. Alors, le site, c'est rivarol.com. Je dis pour les gens qui se réclament de. Que dois-je dire, de Meta TV, de Patriote Info. Patriote Info. Tant pour moi. Pour les gens qui se réclament Patriote Info, je propose un abonnement à moitié prix, à 60 euros au lieu de 125 pour un abonnement d'un an à Rivarol. Ah, donc, bon. vous nous écrivez, on y a un chèque de 60 euros, alors des éditions des Tuileries, édition au pluriel des Tuileries, 60 euros, vous avez un Rivarol pendant un an, donc à moitié prix, pour un chèque, ou éventuellement, si vous nous faites un don sur Rivarol.com de 60 euros, je comprendrai que c'est un abonnement d'un an également. À Rivarol sur notre site rivarol.com ou alors je veux dire nous envoyer un chèque. Alors je donne l'adresse pour ceux qui veulent envoyer un chèque, c'est Édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75013 Paris. Édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75013 Paris, chèque à l'ordre des Éditions des Tuileries, donc 60 euros pour un an, spécial Patriote Info. Voilà, bah merci à vous. Merci, on se retrouve nous normalement la semaine prochaine. Et puis d'ici là, au revoir à tous. Et si vous écoutez ce message, certainement et forcément, vous êtes un peu la résistance. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, merci.